Donc voilà, la deuxième étape, c'est comment est-ce qu'on fait pour y arriver. Donc aujourd'hui, on va traiter justement des propositions qu'on avait faites sur la question des droits, donc des droits dans la société idéale. Donc je vais lire d'abord les propositions qui ont été faites, et puis ensuite, ce qu'on vous propose, c'est de poser la question comment est-ce que ces propositions peuvent être mises en place à partir de la société dans laquelle on est maintenant. Donc, sur les droits. Il veut plus marcher, si. On soulève la question du droit à la propriété. À partir du moment où on décide qu'on devrait avoir tous un accès égal aux biens naturels de notre environnement, au logement, etc., que devient le régime de la propriété privée? Faudrait-il l'abolir? Donc là, on arrive à une proposition concrète. Passer du régime de la propriété lucrative à celui de la propriété d'usage. Donc ça, c'est quelque chose qui vient de Bernard Friot. C'est-à-dire que je ne possède rien définitivement, seulement tant que j'en ai besoin. Donc ça peut être en place avec le logement. C'est-à-dire, par exemple, un logement vacant peut être utilisé par tous ceux ou toutes celles qui en ont besoin. On pourrait aussi songer à abolir le droit à la propriété intellectuelle, qui limite le partage du savoir, et notamment sur le net, en sachant qu'en plus, au niveau de la propriété intellectuelle, c'est... Ouais. Au niveau de la propriété intellectuelle, très souvent, les idées qu'on a, elles ne viennent pas de nous-mêmes, elles viennent de l'environnement dans lequel on a été, des échanges que ça a pu produire. Donc, je continue la lecture du compte-rendu sur les propositions concernant les droits. On pourrait imaginer des droits locaux ou régionaux, valables pour un territoire et une communauté, mais pas une autre, selon ses besoins et le contexte local. Un peu comme le droit coutumier, non écrit, qui s'applique encore dans beaucoup de situations, notamment dans le cadre agricole. On peut aussi imaginer que le droit ne soit pas figé dans le marbre, mais que chaque loi, chaque droit, possède une durée de vie limitée, au bout de laquelle il est nécessaire de la réexaminer pour voir si elle est toujours valable et nécessaire. Donc là encore, la question, c'est comment est-ce qu'on peut le mettre en place pour le futur. Il y a aussi une proposition concernant le droit de nationalité. On pourrait revendiquer le droit de vivre où l'on veut sur cette terre. Enfin, au niveau du droit international, on pourrait créer un droit international doté d'une autorité juridique autonome après avoir redéfini le droit minima des vivants. On était arrivé là-dessus parce que, bien sûr, la fameuse déclaration universelle des droits de l'homme n'est pas du tout universelle. Hein, elle pose déjà, comme on l'a précisé tout à l'heure, la question de la propriété qui ne correspond pas à énormément de cultures dans le monde. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait d'abord redéfinir les droits minima des vivants. Donc, maintenant qu'on a les propositions... Maintenant qu'on a les propositions, la question qu'on va poser, c'est comment est-ce qu'on peut faire à partir d'aujourd'hui pour y arriver. Comme le public est très nombreux aujourd'hui. Donc, la première proposition, c'était, concernant la propriété privée, passer du régime de la propriété lucrative à celui de la propriété d'usage. C'est-à-dire ne pas avoir un bien à vie parce qu'on l'a payé, mais ne l'avoir que tant qu'on en a besoin. Donc à partir du moment où, par exemple, on part pendant 2 ans ailleurs, et ben ce logement vacant peut être utilisé pour mis à disposition pour quelqu'un d'autre qui en aurait besoin. Mais ça peut aussi être pensé pour tout ce qui est le matériel électroménager. Ça peut être pensé pour les livres aussi. Enfin, pour à peu près tous les objets en fait. Donc, je rappelle l'idée de cet atelier, hein, c'est pas que ce soit moi qui parle toute seule pendant 2 heures, c'est justement que ce soit participatif. Donc, c'est d'ailleurs les idées que je viens de dire ne sont pas les miennes, c'est des idées qui ont été développées pendant notre atelier. Donc, on va commencer du coup à ouvrir le débat, hein, tous ceux qui souhaitent proposer justement une façon de passer du régime de propriété tel qu'il existe maintenant à celui de la propriété d'usage. Est-ce que vous souhaitez vous exprimer? Alors, est-ce que vous souhaitez vous exprimer sur ce qui vient d'être dit déjà? Alors, je peux le redire. La première proposition, c'était donc concernant les droits, le droit à la propriété notamment. Donc, ce serait passer du droit actuel à la propriété individuelle. à une propriété d'usage, c'est-à-dire on utilise un objet, mais ça peut être aussi un logement, ça peut être une voiture. Voilà, on utilise donc un certain matériel quand on en a besoin. Et quand on n'en a pas besoin, quelqu'un d'autre peut l'utiliser. Non. J'en ai besoin. Voilà. Mais très bon exemple. Quand on a besoin des chaussures, on ne va pas les prêter à quelqu'un d'autre. Par contre, à partir du moment où on n'en a plus besoin, bah, quelqu'un d'autre peut les prendre. C'est, voilà, y a les vêtements carrément qui rentrent dedans. Il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent participer de ta propriété lucrative. Alors, est-ce que tu souhaites t'exprimer dessus ? C'est mieux que tu parles au micro, comme ça tout le monde entend. Non ? Thomas, as-tu quelque chose à dire ? Nous sommes en cours de collage d'affichage. Donc, est-ce que quelqu'un souhaite réagir sur cette proposition concernant la propriété ? Can I sing for you? This is about No, me, I don't speak French. I speak only German, you know. Sprechen Sie Deutsch? English. What's your name? Yuan. My name is Saiko. I'm from Germany, you know, Hamburg. Saiko? Yeah, nice to meet you, man. Hey, what's your name? Thomas, what are you doing here? No, I don't understand German. You speak English? Yes. You don't speak English? Yes, I do. You sing? You like to do music with me? No. No, why? What kind of... I rap a little bit, rapper. I'm a rapper, you know? Sorry. You don't understand German? Ambition. A little bit. Tell me something, what is this? In English, please. Yeah, no problem. This is the how can you say that in English? Popular teaching of Nuit Debout. Yeah. Okay, and we are basically speaking about what kind of society do we want? Yeah. Okay. We have over there all the several propositions that have been made, and we are right now speaking about how to achieve those propositions. Ah, that's good. It's so interesting, you know. Yeah. That's nice, no? Singing? Yeah, I sing. I'm a music singer. Ah, yeah, my voilà brother. Yes, man. Voilà, on est tombé sur un chanteur. Et il est là. C'est le nouveau. Et on le présente là. I'm a rapper in Hamburg. You know, I'm a rapper, man. Yeah, yes, man. Hi, tell me something about your project, you know, please. What? Tell me something about your project or your team, your work here. Me, I don't speak French. I don't understand French. You know what I mean? Actually, I got a better idea. What do you think? Yeah. What do you think about the property? The property rights. Property right. What is property? Property. Property right. Yeah, like the right of owning something. We are actually thinking about something that could be new about the property, which could be that you own something until you don't need it anymore, then someone else can own it. Ah, okay. Like a flat, like clothes, like I don't know, shoes, baby clothes, for example. What do you think? In Germany, they have something like that. You know, they call it Flohmarkt. You know, I don't know whether you know it. You know, if you have something in your home, as a clothes or something in your home, you know, you don't like it anymore, you bring it Flohmarkt. Maybe you send it for 50 cents or for 20 cents, you know? You don't like to maybe to throw it away, but you can give it to somebody who needs it. Okay. You know what I mean? It's the same, I think. What do you mean? Yeah, it's something like that. Flohmarkt, you know? You can do such things here, you know, Flohmarkt. If you have something in your home, what do you need? You know, you can give it to 20 cents or 10 cents, you know, before you throw it away. You know, somebody can use it. We have something like that once in a month, or once in a 2 months, or once in a year, in Hamburg, you know? How many people do you think do that in Germany? Well, many people do that, you know? Many people doing that, you know? Okay. So, you have to... I'm gonna make the translation because not everybody speaks English. Okay. Okay. So, okay. Donc, je remets mon esprit en français. du coup, donc, ce jeune homme qui vient d'Allemagne, nous parlait d'un principe sur la propriété qui existe donc en Allemagne, qui est le principe de tu possèdes quelque chose, tu n'en as plus utilisé, tu l'as plus, t'en veux plus, tu as la possibilité au lieu de le jeter. De simplement le donner à quelqu'un ou a priori, si j'ai bien compris, le vendre pour 10 centimes, 20 centimes, enfin une somme extrêmement, extrêmement modique. Voilà. What do you say? I just said what you spoke about. Yeah. It's true. We have such things like this in Germany, you know. If you have something at your home, you know, what do you need? A clothes, shoe, and something like that, you know, you can make a market, small market. You can sell it for 10 cents, 5 cents. Somebody can use it before you throw it away, you know. That's why I'm trying to explain it, you know. So it's better, you know, to save a little bit things, you know. You give it to somebody before you throw it away. For 10 cents, 20 cents, or 5 euros, expensive things, you know, who are costed maybe 500 euros. You can give it 5 euros, you know. That's why, you know. It's very interesting what you're doing. I like it, you know. That's good. You can start such project here, you know, it's very good. Donc il vient de répéter hein, le principe de vendre ce que tu ne veux plus, ce que tu n'aimes plus, etc. pour une somme assez modique. I think actually il m'écoute plus. C'est pas mal ça. So actually, from how you speak about that, I think we have something alike in France. I think it could be translated by free market. That's free market. That's basically people, especially on Sunday. If you walk around in Paris, you're gonna see it today for sure. There is one right now around d'Enfer Rochereau in the south of Paris. Basically, it's a lot of people. They're not companies or anyone. They are normal people, and they are selling books, clothes. Toys, these kind of things for few euros. Yeah, that's good. I think that's the same thing. Yeah. Okay, so yeah, we have something like that. But I think we could go even further in the owning system and owning things. By example, I saw, and we spoke about that here, like the fact of giving something to, not to someone, just to anyone who needs it. Like I saw that there is some kind of a cabin and you leave things there. Yeah. And in exchange you can take something that have been left there. Yeah. And that's how things work. Yeah. There is no money, there is no there is no selling anything. It's just giving and taking. That's something could be interesting. Do you do that in Germany as well? Sometimes we do it in Germany, yeah. It's different corners, you know, they're doing these sort of things, you know, in Germany, yeah, of course, you know. Donc je traduis du coup, donc là je lui parlais, donc effectivement c'est ce dont il parlait, c'est ce qu'on a chez nous, c'est les vide-greniers, en gros, hein, le principe. Et donc là je lui parlais d'un autre système qui existe, en tout cas que moi j'ai vu dans des articles, c'est le... je ne sais plus comment ça s'appelle, vous savez, c'est l'espèce de petite cabine où l'on dépose des choses, puis on prend autre chose à la place, etc. Ce principe de don, donc apparemment ils font ça également en Allemagne, c'est ce qu'ils disaient, et on va avoir une jolie petite fanfare. Donc ils font la même chose en Allemagne. Les gratifériens, oui. Oui, gratiféria, moi j'ai découvert avec les indignés. Oui, c'était avec les indignés, les rassemblements d'indignés. Donc ça s'est interrompu il y a quelque temps, mais ça reprend un petit peu. Les gens apportent ce qu'ils veulent, enfin en restant dans le raisonnable, c'est-à-dire pas donner des affaires pourries quand même, hein. Mais bon, des choses en état. Et en échange, ils peuvent récupérer quelque chose. Alors des livres, des vêtements, de tout, de la vaisselle, enfin dépareillé, enfin ça fait rien, de tout. Et puis ils posent sur un petit tapis. Il faut que ça soit présentable aussi parce que il y a quand même une ronde qui se fait, hein, de la police qui regarde quand même si c'est pas le bazar ou la mairie. Et puis ça marche, hein, parce qu'il y a des gens qui trouvent leur compte là-dedans. Et on en avait fait une, c'est assez récent, mais il n'y avait personne parce que les gens n'étaient pas vraiment au courant. Mais dans le quartier, les personnes du quartier voulaient apporter plein de choses. Ils ont dit la prochaine fois on viendra, c'était face aux citoyens du monde dans le 13e, là, boulevard Vincent Auriol qui se trouve au 66. Et donc le pote avait sorti des affaires de la cave qu'il a déposées. Parce que les choses qui ne sont pas récupérées, il les rangeait, il les ressort. Alors, il y a les personnes de quartier qui sont venues apporter des choses. Ce qui fait que bon, on se retrouve avec des choses, mais en parfait état. Hein. Il y a des gens, bon, il y en a certains, bon, des fois ça laisse à désirer. Moi j'ai envie de dire, faut leur dire de ne pas donner. Hein. Mais sinon, en parfait état. Hein. Alors, c'est bien parce que les gens, bah, ils retrouvent des objets. Au lieu d'acheter, bah, voilà, ça se passe. C'est très bien, hein, ça, cette idée-là. Voilà. Ah, tu connais, toi, ouais, non, puis ce qu'ils font aussi en plus, c'est des fois des gens apportent des objets ou n'apportent rien du tout, mais ils font la nourriture aussi. Ils font la nourriture, t'apportes ce que tu veux, celui qui ne peut pas apporter, il n'apporte pas, mais tu apportes un livre, de la vaisselle, des CD, etc., etc., etc. Et puis on te donne un repas gratuit aussi. On pourrait penser que ça c'est la première étape justement pour aller vers une propriété donc non lucrative mais une propriété d'usage. Par contre, est-ce que ça va limiter justement, parce que ça touche, du coup, ce qui serait intéressant, c'est que ça touche de plus en plus de monde, en fait, parce qu'il y a certainement énormément de personnes qui n'en ont pas connaissance et qui jettent, parce qu'ils ont aussi l'habitude de jeter du périssable, d'acheter des fringues à toutes les soldes, et derrière d'avoir une garde-robe extrêmement remplie avec énormément de choses qui ne servent pas. Donc c'est vrai qu'il y a ça, et je pense que c'est peut-être plus facile au niveau des vêtements, au niveau de l'alimentation, ça se met en place de plus en plus. Par contre, c'est peut-être plus difficile sur ce qui est sur ce qu'on peut mettre en rapport avec des objets plus personnels. Donc là, je pense, donc on parlait tout à l'heure du logement, mais on peut aussi penser aux ordinateurs. Enfin, je veux dire, il y a plein de personnes qui ont 1, 2, 3 ordinateurs chez eux, et en soi, ils pourraient les mettre à disposition dans des lieux ailleurs et les récupérer quand ils en ont à nouveau besoin. L'idée, c'est pas forcément non plus de se séparer de ce dont on n'a pas besoin pendant un moment, mais ça peut être de le mettre dans un lieu à ce moment-là, de le mettre à disposition en fait pendant un temps, et puis le récupérer quand on en a à nouveau besoin. Et ça, je sais pas si ça existe déjà, mais il me semble que c'est tout à fait faisable dans... Si ? Ah ! Ça s'appelle Cher Voisin. Enfin, il y a une association qui fait ça. Il y en a plusieurs. Il y en a une qui s'appelle Cher Voisin, S-H-A-R-E. Et ce que disait Adam, il y a aussi le disco soupe, hein. On peut venir manger, enfin, si on peut participer à l'épluchage des légumes et faire la vaisselle, c'est bien, mais on peut aussi que manger. Ah d'accord, bien sûr. Oui. Oui, alors la gratiféria, ça veut dire aussi qu'on peut y aller pour prendre quelque chose sans apporter quelque chose aussi, hein, voilà. Donc il n'y a pas forcément l'obligation de venir avec quelque chose. Mais les gens découvrent que en apportant quelque chose, bah, ils se débarrassent de quelque chose, voilà. Donc c'est bien, mais des choses en bon état, hein, je veux dire, hein, c'est surtout ça parce que... Après, il y a aussi des choses qui existent au niveau des voitures et des logements, mais en général, ça rentre dans la considération économique. C'est-à-dire les personnes ne laissent pas leurs biens à disposition pour d'autres qui en auraient besoin. Ils le laissent à disposition parce qu'ils se disent « j'en ai pas besoin, je peux me faire de l'argent en n'en ayant pas besoin, en le mettant, du coup, c'est une sorte de location entre particuliers. » Donc ça, c'est un autre rapport. Blablacar, c'est du covoiturage, c'est différent. Mais par contre, il y a aussi, je sais plus comment ça s'appelle, mais quelque chose qui fait qu'on peut prêter sa voiture à quelqu'un pendant une période qui peut être d'une semaine à un an. Mais en général, il y a une rémunération derrière. Donc, enfin, il y a une rémunération, il y a une sorte de loyer, quoi. Et du coup, le problème, c'est que ceux qui pourraient en avoir vraiment besoin, mais qui n'ont pas les moyens d'y accéder, n'y ont toujours pas accès. Ce qui est différent de la première chose dont on a parlé. Alors, il y a certainement là-dedans quelque chose à changer au niveau des mentalités, mais aussi il me semble qu'il y a la question de la confiance qui se pose beaucoup. C'est-à-dire que des biens qui sont comme son propre logement, sa voiture, il y a toujours cette inquiétude de qu'est-ce que l'autre va en faire. Et donc, il y a, à mon avis, quelque chose à développer vraiment au niveau du rapport de confiance, en fait, de se rendre compte que... Bah, et ça fonctionne aussi au niveau des jardins partagés, où très souvent, les gens se disent... Je me souviens, il y avait eu un débat là-dessus il n'y a pas très longtemps. Ils se disent, oui, mais enfin, d'accord, on cultive les trucs ensemble, mais c'est quand même moi qui les ai plantés, qui ai mis du temps à le mettre en place, et c'est peut-être d'autres qui vont le manger. Bah oui, mais la question se pose, pourquoi tu fais un jardin partagé? Si tu le fais pour manger ce que tu as récolté toi-même. L'idée du jardin partagé, c'est que tu as du plaisir, en fait, à cultiver. Donc tu le cultives pas pour toi, tu le cultives pour celui qui en va en avoir besoin et qui pourra le faire. Et je pense que, même à moyen terme, pas forcément à long terme, si tu es une personne dans le besoin et tu te dis que tu n'as pas le droit, en fait, à un jardin partagé, donc au début, ça va être du vol. Ça va être perçu comme du vol. Mais à force que les gens, en fait, pourraient par exemple mettre les paniers directement à disposition, et donc là bah, c'est plus du vol parce que les paniers sont là, ils sont offerts. Donc là on rentre dans un système de dons, et au bout d'un moment bah, cette personne là qui va se rendre compte qu'en fait c'est donné, elle va peut-être avoir envie d'y participer. Alors que quand ça reste dans ce rapport de vol du non tu n'y touches pas, il n'y aurait pas cette envie de participation. Donc à mon avis il y a d'abord un effort à faire de la part de ceux qui ont, pour montrer justement que ce n'est pas leur propriété et que c'est du don, pour qu'ensuite ceux qui n'ont pas aient aussi envie d'y participer et de le construire avec les autres. Donc enfin je lance ça comme ça, mais je sais pas si quelqu'un veut réagir, vas-y. En fait ça revient toujours au principe du sel, c'est des morceaux de sel, des systèmes d'échange local où on peut échanger des affaires, mais on peut aussi le prêter quelque chose, on peut dépanner quelqu'un, on peut faire tout ce qu'on veut. Et en plus, pour justement ceux qui ont peur de qu'on profite d'eux, c'est comptabilisé avec une monnaie alternative qui existe que localement. Et le local, c'est le secret de ces systèmes. C'est de... Comme l'argent disparaît de plus en plus, enfin les euros, les dollars, bientôt on n'en verra plus la couleur. Il faut bien se débrouiller autrement. Et le partage, même pour quelqu'un qui est riche, je veux dire, il peut toujours garder son argent pour acheter de l'essence ou une voiture, mais il y a des tas de choses qu'il peut échanger avec quelqu'un qui n'a pas d'argent, mais quand même ça peut l'arranger de toute façon. Et c'est fondamentalement, on dit. C'est un autre... comment ? Non, c'est... Enfin, bref. C'est un rapport différent entre les personnes. C'est-à-dire, l'argent, d'un côté, c'est un super système parce qu'on peut échanger tout ce qu'on veut sur toute la planète. Mais d'un autre côté, ça établit un certain rapport. Un rapport d'argent, un rapport de puissance de l'un sur l'autre. Celui qui en a plus... Il est toujours avantagé pour celui qui en a moins. Donc, si on, il y a aussi des rapports sans argent. C'est pas l'un ou l'autre. Ça va bien ensemble. Et s'il y a des choses gratuites, c'est des comment dire, on donne. Enfin, le don, de toute façon, on reçoit toujours. Enfin, je sais pas trop comment dire, mais. Il y a personne qui fait que donner, comme il n'y a personne qui fait que recevoir. Il y a toujours, même des fois sans s'en rendre compte, on donne et on reçoit, et ça fait partie de la nature humaine. Voilà. Ce que tu as oublié de dire, oui, dans les selles, il y avait le principe qui était intéressant, si ça allait au-delà des objets. C'est par exemple quelqu'un qui a des problèmes en mécanique, il fait réparer sa mobilette et en échange il te donne des cours de maths par exemple ou tout autre chose. Ou il y en a qui te donnent un cours de musique et en échange il fait de la couture et voilà. Je crois que tu as levé la main. Non, juste je rappelle, enfin les gens qui sont là, si vous souhaitez participer, c'est une discussion large. Hein. Mais en fait, j'étais en train de me dire un autre truc qui est que il y aurait peut-être aussi ça pourrait y participer d'acheter des choses en commun pour justement acquérir cette responsabilité collective. Et donc ça peut être acheter un logement en commun, donc plusieurs pièces en se disant, et même de façon du coup délocalisée, c'est-à-dire un groupe d'une vingtaine de personnes pourrait se dire, on achète 4 appartements à 4 endroits différents de la France. Et en fonction de la période de vie, bah, on va aller habiter là-bas, une autre fois là-bas. Et quand on aura envie de changer d'endroit, et bah, on ira du coup acheter ou louer ailleurs. Et l'idée, c'est que du coup, même le logement puisse être, les gens puissent circuler dedans, en fait. Que ce soit aussi, donc là, ce serait acheté en commun. Après, là, dans ce que je viens de dire, ça supposerait que ces personnes aient la possibilité d'avoir les moyens de le faire. Or, on pourrait imaginer du coup qu'il y a un système de solidarité qui se mette en place là-dedans pour que bah, certains achètent, avec ce que, c'est ce que vous avez dit en fait qui me fait penser à ça, achètent en commun avec d'autres, et puis les autres qui n'ont peut-être pas les moyens de mettre de l'argent dedans vont pouvoir par contre y participer d'une autre façon. Donc l'idée, c'est pas de faire de l'exploitation, c'est-à-dire nous on achète le logement, par contre vous vous faites le ménage, la cuisine et le reste, parce que dans ces cas-là, ce sera encore une autre forme d'exploitation. Mais c'est bien, on a de la musique derrière en plus. Mais voilà, ce serait la possibilité de faire un peu d'une sorte de fonds communs en fait, et qui permettent d'acheter des outils aussi dont chacun aurait besoin et que ça puisse circuler. Alors du coup, je voudrais rebondir là-dessus, parce que cette idée de donc en fait de mettre de l'argent en commun dans quelque chose, et pour ceux qui n'ont pas les moyens de mettre de l'argent, de mettre des compétences dans cette même chose, c'est un système qui existe déjà, en tout cas à ma connaissance, alors qu'il y a un système du coup capitaliste, parce que c'est dans le cadre de la création d'une société. Donc pour mémoire, quand on crée une société, on investit ce qu'on appelle le capital de la société, qui est donc censé être une somme de base qui va être utilisée pour les déclarations de la société. Et cette somme, elle est calculée de différentes manières. Elle peut être calculée en fonction de l'apport financier qu'apportent les différents actionnaires, les différents propriétaires de la société, mais qui peut être également en termes d'apport de compétences ou en termes d'apport de matériel. Et tout ça, en fait, a une valeur financière qui va être inscrite au capital de la société. Mais ça peut vraiment être, par exemple, bah, effectivement, toi, Adèle, tu as 10 000 euros. On décide tous les deux de mettre en place, enfin, de créer une société. Moi, malheureusement, j'ai pas une thune. Par contre, je suis expert en, je sais pas, en commercialisation, en marketing, en ingénierie, en genre de choses. Et en plus de ça, j'ai moi-même des machines qui permettrait de fabriquer le produit qu'on décide de vendre dans le cadre de notre société. Tout ça, ça va être, en fait, ça peut être converti, donc de manière fictive évidemment, en... Je vais essayer de parler plus fort. Tout le monde m'entend là ou pas? Ouais, ça va? Ok. Donc ça va être converti virtuellement en argent, et ça va donner le capital de la société. Donc effectivement, du coup, on pourrait prendre ce système et l'inclure dans tout et n'importe quoi finalement. Effectivement, dans le cadre d'un logement, ça pourrait être très intéressant, surtout qu'on a des gros problèmes de logement pour pas mal de gens de nos jours. Voilà. En effet, le problème que ça pose, c'est que du coup, chaque individu là-dedans est défini comme valeur marchande. Donc, retour à voilà, au truc de base. Alors que ce qui était... Voilà, tout à fait. Alors que ce... Mais du coup, je me rends compte voilà, de la limite de ce que j'étais en train de dire, donc c'est très bien, c'est aussi l'intérêt de ce genre de débat. Parce que ce qui serait intéressant, c'est surtout d'instaurer le rapport de confiance, plus que ce rapport marchand qui fait que tu m'apportes de façon économique, donc je t'apporte de façon économique, et on construit ensemble de façon économique. L'idée de la confiance, c'est aussi que... Mais en fait, je me rends compte que ça devient difficile, même pour moi, de penser en dehors de la valeur économique. Et c'est là où on se rend compte de l'impact du langage et de l'imaginaire dans lequel on vit sur même notre mode de pensée pour en sortir. Et bon, bah, du coup, quelqu'un veut parler, donc on reprendra après. Mais... Alors, cette pratique a déjà existé. Hein. Dans les années 50, il y avait les cités castors, c'était des cités ouvrières qui étaient construites par les ouvriers eux-mêmes. Il y avait quelques personnes qui arrivaient avec des compétences qui les aidaient, maçons, forgerons, plombiers, etc., forgeron parce qu'on avait encore besoin à l'époque sur les chantiers, et avec les moyens du bord, en se débrouillant, en faisant de la récup, en mettant en commun l'argent qu'ils avaient pour acheter du matériel, ils ont construit des petits villages, des zones résidentielles où chacun a construit sa maison et a aidé à construire la maison des autres. Ça rejoint l'idée que tu développais, et c'est quelque chose, c'est assez marrant dans ce que tu disais, c'est qu'il est extrêmement difficile aujourd'hui de se sortir du contexte économique. Alors qu'il n'y a pas si longtemps de ça, bah, 60 ans, ce n'était pas un réflexe, et il y avait encore ce geste de faire quelque chose les uns avec les autres pour son propre bien. Oui, certainement. Alors après, je comprends complètement ce que tu dis. Mais donc le jeune homme, il parlait des apports dans une société. Donc c'est les apports en nature, en industrie, en travail. Et c'est pas forcément la personne qui va être une marchandise, qui va devenir une marchandise. Mais grâce à cet apport, donc les 10 000 euros qu'il te disait, ou moi le travail que je vais faire, bah, ça va me donner une partie de la propriété de la société. Donc c'est pas moi qui suis une marchandise, mais c'est cette société-là qu'on va pouvoir se partager grâce à ces différents apports. Donc effectivement, il peut avoir autre chose que des apports. Après, bah, je te rejoins complètement là-dedans aussi lorsque tu dis qu'on raisonne beaucoup en termes économiques. Bah, moi, j'ai une formation qui m'a poussé à ça. Et bah, ça a des avantages. Hein. Ça te permet de comprendre, d'avoir un prisme de la société intéressant. Après, effectivement, pour s'en sortir, ça peut être plus compliqué. Donc, En fait, la limite de cette pensée, enfin la façon dont je l'aperçois là, actuellement par rapport à ma pensée, c'est mais en fait pourquoi quelqu'un ferait ça si il n'y a pas ce rapport économique. Et dans ce que tu viens de dire, c'est les personnes l'ont fait parce qu'en fait elles étaient voilà, c'était bien ensemble ou elles avaient envie de construire quelque chose, tout simplement, qui soit à moyen ou long terme et qui soit participatif en fait de chacun. Et c'est vrai que peut-être une façon de se décaler, quand je disais en fait la personne est définie par sa valeur marchande, je disais pas en tant que marchandise, mais c'est ce qu'elle peut apporter économiquement à l'entreprise qui va définir la place qu'elle a. C'est dans ce sens-là que je disais. Et dans ce que disait Bruno, c'était plutôt, en fait, on a déjà certaines compétences, mais il y a surtout plein de choses qu'on a envie de découvrir. Et donc, l'idée aussi de faire quelque chose en commun, c'est d'apprendre des autres et de développer d'autres trucs. Parce que peut-être qu'on a appris un certain travail parce que on nous a dit que c'est ça qu'on devait faire et donc on a appris ça, mais que finalement, c'est pas du tout ça qu'on aime faire. Par contre, peut-être que d'autres personnes ont envie d'apprendre comment ça fonctionne. Donc, et là, c'est pas du coup, je crois, que c'est pas un rapport marchand, mais c'est un rapport d'échange, en fait, d'échange et de transmission de savoir, où il y a quelque chose que l'un va apporter à l'autre, mais en termes d'échange. Du coup, je me répète, donc je m'arrête. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite réagir là-dessus? Donc, je redis la proposition sur laquelle on était, c'était donc de passer de la propriété lucrative à la propriété d'usage. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on pourrait faire pour y arriver, pour arriver vraiment dans un monde dans lequel on serait entièrement presque dans une propriété d'usage et pas dans une propriété lucrative. D'où le débat actuel. Pour aller dans ton sens, il y a quelques années, on se dirigeait pas vers ce que tu dis, c'est clair. Donc on est, pour faire facilement les mots qu'on entend beaucoup ici, dans une société capitalisme, libérale, ok. Mais après, aujourd'hui, on le voit de plus en plus dans les usages, qu'on aime ou pas. Hein, Autolib, c'est bien une voiture partagée. La dématérialisation et le fait qu'on fasse du blabla car, pour rester juste sur l'exemple de la voiture, c'est encore du partagé. Donc finalement, le droit de propriété tel qu'on le connaissait il y a encore 10 ans, où quand j'achète un truc, c'est à moi, aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai. Alors, c'est de moins en moins vrai en France, dans certains pays. Par exemple, Uber, ça peut marcher ici, ça marchera pas au Maroc. Pour différentes raisons, je vais pas m'attarder là-dessus. Mais oui, il y a toujours cette propriété, mais on arrive avec des nouvelles notions de partage de propriété. Alors, lorsqu'on parle de partage de propriété, on a déjà en droit différents critères qui permettent de distinguer les propriétés, distinguer les différentes usages en fait de la propriété. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé de ça juste avant. Donc c'est l'usus, abusus et fructus. Donc lorsqu'on a la propriété d'un terrain ou d'une maison, on a la propriété de la maison. On peut aussi avoir ce critère-là qui est qu'on peut récolter les fruits de la location lorsqu'on le met en location. Donc il y a déjà dans le droit de propriété français, on a déjà une séparation en trois. Donc le fait que ça soit à nous, le fait qu'on puisse le louer et le fait qu'on puisse le transmettre à ses enfants par exemple. Donc on a déjà des outils aujourd'hui qui nous permettent de penser la propriété différemment et dans une société où si on a les yeux un peu ouverts, on peut comprendre qu'on est dans le partage de plus en plus d'un bien. Pour ceux qui peuvent ne peut-être pas se payer une voiture, on le voit aujourd'hui. Lorsque tu parlais tout à l'heure de différentes maisons, après qu'on aime ou pas encore une fois, mais c'est déjà un concept qui existait là récemment. Tu sais, avec les hôtels, ça s'est pas toujours très bien passé, mais c'est des gens qui partageaient des nuits d'hôtel sur une année. Donc voilà, je sais plus comment ça s'appelle, ça finit par sharing, quelque chose sharing. Donc voilà, à la fois dans le droit de propriété français, on a différents critères qui font qu'on peut le voir de manière différente. Et dans la société aujourd'hui, de plus en plus, le bien qu'on achète, on peut le louer, on peut le partager. Et il y a quelques années, on voyait pas trop ça. Du coup, je profite pour rebondir un petit peu là, sur ce que tu disais, sur donc le concept de usus, abusus et fructus, c'est l'ensemble des choses que tu as dit. Effectivement, il y a plein de choses qui se développent, qui se sont développées sur le partage, mais il y a quand même, en tout cas d'un point de vue général, une grosse problématique sur la monétisation de tout ça. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Et merde, j'avais un terme. C'est pas grave, ça va me revenir. Enfin, quand on parle par exemple de location, effectivement, on peut louer sa voiture, on peut louer un appartement, etc. Mais sur par exemple le logement, on va prendre par exemple Paris, mais c'est le même cas au Pays Basque par exemple. On a un gros problème d'accès au logement pour beaucoup de personnes parce qu'il y a ce compte. Enfin, peut-être. Hein. Parce qu'il y a ce concept monétaire. Aujourd'hui, ça coûte extrêmement cher de louer un appartement dans Paris, alors qu'il y a des dizaines, des centaines, peut-être même des milliers de logements qui sont vacants toute l'année pour tout un tas de raisons, en particulier parce que les gens veulent pas louer, parce que peut-être il y a un risque. Et puis après, je me dis que un appartement coûte cher à louer, donc il coûte cher à acheter. Et le propriétaire, s'il paye, je sais pas, 300 000 euros pour un appartement, va forcément vouloir le rentabiliser à un moment. Donc peut-être, est-ce que disons, l'une des bases des problématiques qu'on a aujourd'hui sur la question du partage, ce genre de choses, ce serait pas l'argent. Enfin, et puis bon, après, de toute façon, l'argent est une problématique qui existe depuis très très très longtemps. Après tout, à une époque, si je me trompe pas, à une époque, on estimait la grandeur d'un empire en fonction des pièces de monnaie qu'on retrouvait aux quatre coins du monde. L'Empire romain, par exemple, on a retrouvé on pouvait récupérer des pièces de l'Empire romain un petit peu partout. Peut voir un petit peu les tractations qu'il y avait avec ça. Et par contre, je voulais rebondir aussi sur un autre truc. Tu as parlé de dématérialisation et ça, c'est intéressant. J'ai posé la question parce que moi, j'ai travaillé un petit peu là-dessus. Est-ce que vous pensez qu'un logiciel dématérialisé vous appartient ? Non, c'est une vraie question, hein, vous avez le droit de répondre. Non ? Enfin, est-ce que vous pensez que si vous achetez un logiciel, peu importe le logiciel, donc qui est dématérialisé, est-ce que vous pensez que cette version du logiciel vous appartient et que vous pouvez en faire absolument tout ce que vous voulez? D'un point de vue global, là, pour le coup, c'est vraiment d'un point de vue global. Tu parles de logiciel propriétaire. Hein. La version que tu achètes, si on prend le cas de, je sais pas, Windows par exemple, ça ne t'appartient pas. Tu n'as même pas le droit de regarder ce qu'il y a dedans. Tu n'as pas le droit de le modifier pour en faire ce que tu veux. Contrairement au logiciel libre qui est, par définition, accessible à tous. La source est publique. Tu as le droit de le modifier pour en faire ce que tu veux, à condition de respecter la licence. Mais le logiciel propriétaire ne t'appartient pas. Je ne sais pas comment c'est défini juridiquement, mais c'est plus un droit d'usage que tu achètes qu'un objet, quoi. Un objet logique. Donc oui, effectivement, donc là c'est la partie droit à la propriété intellectuelle. Tu n'as pas le droit effectivement de modifier le logiciel malgré que tu l'aies acheté. Mais il y a un autre point sur le fructus, pour le coup. Oui, c'est ça, sur le fructus. Il y avait, donc je prends, c'est un exemple, mais qui a donné lieu à une jurisprudence au niveau européen, donc c'est pour ça que j'en parle. Une entreprise A vendait des logiciels dématérialisés et une entreprise B rachetait les clés de licence de ces logiciels dématérialisés, donc pour faire naître en fait un marché de l'occasion du dématérialisé. Alors je sais pas si vous avez jeté un petit coup d'œil à ce truc-là, c'est un truc qui pourrait exister depuis très longtemps, on va dire, sachant que moi j'ai étudié ça en 2013 et c'était déjà bien enfin le dématérialisé était déjà bien en place. Eh bien, l'entreprise A, dans ce contexte-là, a déposé plainte contre l'entreprise B au niveau européen parce qu'elle estimait que l'acquéreur de la licence du logiciel en question ne devait pas avoir le droit de pouvoir la revendre et donc ne devait pas avoir le droit d'en abuser tel qu'elle le voulait et de pouvoir utiliser donc le fameux fructus. Alors donc, pour le coup, sur cette partie-là, maintenant, grâce à cette jurisprudence, on est propriétaire de sa version du logiciel, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité de le revendre. Mais, en fait, la jurisprudence explique qu'il y a la possibilité de le revendre à partir du moment où il existe un système qui ne te permet pas de continuer à l'utiliser, même une fois que tu l'as revendu. Autant vous dire que le système n'existe pas pour l'instant et qu'il y a plusieurs entreprises dont Steam qui ont des procès au cul parce qu'ils refusent catégoriquement de mettre ce type de système en place malgré du coup la loi et la jurisprudence en place. Voilà. C'est juste ça que je voulais dire par rapport donc à l'usus, abusus et fructus. En fait, c'est super intéressant parce que dans ce que tu viens de dire, ça repose la question de l'argent, c'est-à-dire tu es propriétaire à partir du moment où tu peux vendre. Et or, en fait, moi je me dis, tu es propriétaire de quelque chose à partir du moment où tu peux le transformer. Enfin, si la propriété était perçue comme ça, ça pourrait être très intéressant. Et un exemple très simple qui est le logement, si tu es en location, tu peux pas le transformer. Tu n'es pas propriétaire. Mais de poser la propriété comme pouvant, on est propriétaire parce qu'on veut le revendre, déjà ça veut dire que c'est directement en rapport à l'argent et pas en rapport avec la possibilité justement. L'exemple du logiciel libre, c'est intéressant parce qu'il n'est pas vendu. Par contre, n'importe qui peut en être propriétaire dans le sens où il peut le transformer, où il peut y apporter quelque chose et le remettre ensuite à disposition aussi des autres. Donc là, c'est juste la possibilité de transformer l'outil en fait, qui est déjà un droit, qui devrait juste être un peu le cas pour tout le monde. En fait, à partir du moment où tu as un outil, tu devrais avoir le droit de le transformer, mais ce qui n'est pas forcément le cas. Et donc pour moi, il y a ces deux rapports à la propriété. Celui où, à partir du moment où tu acquiers un bien, tu peux le transformer. Et celui où, à partir du moment où tu l'acquiers, tu peux donc du coup en le revendre. Donc là, le mettre dans un aspect économique. Et je me dis, si on gardait la notion de propriété dans le sens de avoir le droit de transformer, peut-être que déjà ça changerait ce rapport à l'argent et à sa circulation. Oui. Oui, il y a beaucoup de transformations qui sont en train de se faire, mais dans ce qu'on appelle l'ubérisation, qui a commencé avec les taxis, où les taxis avaient payé très cher le droit de travailler, et il y a d'autres gens qui disaient, ben moi je veux partager mon voiture. Et je paye pas de licence, je paye rien, simplement je fais payer très très peu le client. Après il y a dans le principe de dire j'offre à boire à mon client, je lui donne des revues, je fais des trucs comme ça, c'est complètement débile, mais bon. Maintenant ça s'est fait aussi avec les hôtels justement, où les gens louent à Paris, ils louent leur appartement. Et dans le centre de Paris ça devient un problème parce que ça fait monter les prix énormément, parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent à louer même 3 mois à des touristes très chers, plutôt que de louer à quelqu'un qui habite à Paris. Et dans le monde d'hier, il y avait aussi maintenant les artisans qui commencent à se faire du souci, parce qu'il y a des chômeurs qui sont en train de s'équiper pour faire le plombier, l'électricien, etc. Il y a des plateformes qui existent, les clients peuvent appeler, et quelqu'un qui s'y connaît un minimum en électricité, en plomberie ou en mécanique, il vient travailler à la place de l'artisan qui a payé lui aussi très cher et qui continue à payer beaucoup d'impôts et qui a plus de boulot. Et c'est ce qu'ils appellent la concurrence déloyale, mais la réaction, comment dire, de l'État par rapport à ça, c'est-à-dire laisse faire. J'espère, c'est le bordel. Bon, ben, de temps en temps, il y a une réaction, dire bon, ben, oui, on va faire quelque chose, mais en fait, le problème n'est pas du tout pris en considération. Parce que ça se répand de plus en plus vite. Et même, quand il y a un créneau comme ça qui se fait, il y en a qui en profitent. Parce que moi, j'ai une copine qui a profité de Blablacar. Qui a réservé une voiture, et bon, ça s'est très bien passé. Le type qui est venu la chercher, la porte d'Orléans, il avait un minibus, il avait 8 personnes dedans, et c'est sûr que lui il gagnait bien sa vie avec ça, sans rien déclarer. Bon, si on appelle ça partage, moi je suis pas trop d'accord. Mais en fait, ma copine, ça l'a bien arrangé, parce qu'elle a payé même pas un tiers de ce qu'elle aurait payé en bus ou en taxi. Donc il y a une transformation de la propriété elle-même qui est en train de se faire, mais de la propriété aussi immatérielle, parce qu'acheter une licence, ça coûte très très cher, mais ça, comment dire, si on peut s'en passer, ça ne vaut plus rien. Alors il faudrait savoir ce qu'on veut. Il y a un changement dans les usages de consommation, moi je voudrais dire, parce que sur l'usage de la propriété, tout ce qui a été développé, après effectivement, il n'y a aucun changement. C'est simplement qu'il y a un transfert de propriété. Hein. Quand on parle de l'autolib, excusez-moi, ce n'est pas du tout du partage, c'est l'exploitation d'un nouveau besoin chez une clientèle qui est consommatrice uniquement. C'est-à-dire qu'on le propriétaire a des véhicules qu'il loue à un certain prix pour en tirer un bénéfice. Ce n'est pas... Pour moi, déjà, c'est pas du tout du partage. L'ubérisation, c'est un autre problème qui va dans ce sens-là. C'est-à-dire que les ubérisés, justement, visiblement, ils sont exploités à jusqu'à l'os par leur nouveau patron. Le Blablacar, c'est une zone de spéculation aussi pour faire du travail au noir. Les plombiers qui travaillent, qui passent par des réseaux Internet, ils louent un emplacement de réseau Internet pour trouver les clients. Et en fait, ils jouent le rôle d'un salarié plombier sans avoir l'avantage d'être salarié. Et en plus, tous les problèmes, c'est pour leur poche et non plus à l'employeur. En fait, c'est une nouvelle forme d'exploitation et pas une. Et il faudrait que c'est à ça qu'on devrait arriver, c'est changer la donne pour que ce soit que la personne elle s'exploite elle-même et pas qu'elle soit pas exploitée par un autre. C'est là où est le problème. Je pensais juste que ça pose une autre question justement dans les moyens pour y arriver. Et là, parce qu'on parle notamment de société, mais est-ce qu'il faudrait, je vais la poser comme ça, je lance le débat, est-ce qu'il faudrait que ça passe par l'État ou est-ce qu'il faudrait justement que ça passe par des petites choses faites de façon locale, en commun? Et là, je parle, quand je pose cette question-là, c'est pour changer les mentalités, justement. Est-ce que si ça passe par le local et par quelques personnes qui le mettent en place, ça va pas franchement se limiter à juste ceux qui en ont déjà envie et donc toucher un centième de la population et ce sera encore la même chose dans 15 ans? Je ne sais pas, peut-être que j'ai tort en disant ça. Et est-ce que le fait que ça passe par l'État, donc ce serait une forme de renationalisation, on pourrait dire, enclencherait ça? Mais je ne sais pas non plus si ça fonctionnerait, parce qu'en passant par l'État, ce serait perçu comme un dû. Donc, c'est pas non plus... je pose le débat, en tout cas. Pour les moyens d'y parvenir, je sais pas vraiment comment on va pouvoir y arriver. En tout cas, il y a deux niveaux, c'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui devraient relever du domaine de l'État ou tout au moins du domaine de la collectivité au sens large, et d'autres qui pourraient relever du domaine de l'individu ou de la collectivité, mais au sens restreint. Toutes les données, enfin tous les problèmes stratégiques du genre l'eau, l'électricité, l'énergie au sens large, le transport, pour moi, je vois aucun problème à ce que ça ne relève pas de l'État. Au contraire, il faut bien une institution, tout au moins un groupe qui gère ça pour que tout le monde bénéficie du même service. Sachant que en tant que service public, c'est quelque chose qui est dû aux gens, quoi, effectivement. Et après, pour entretenir un jardin partagé, une ferme en permaculture, construire des logements ou gérer des logements, tous les niveaux peuvent exister, en fait. Je crois que c'est difficile à définir en même temps, effectivement. Après, j'ai pas assez bien compris la question pour savoir où est-ce que tu voulais en venir, mais on en reparlera si tu veux, il n'y a pas de problème. Mais lorsque vous dites que le mec qui a 8 places, il prend des gens et avec son blabla car et il... Non, il s'en sort en fait, hein. Il fait pas des milliers des cents. Celui qui vend du shit sur la place ou dans son truc, il s'en sort pas bien. Il s'en sort. J'ai un pote qui a pris 5 personnes pour faire un Paris-Bordeaux, je sais pas quoi. Il m'a dit ouais, bah j'ai pas payé mon essence, j'ai réussi. Ah, mais c'est vraiment la marge. Donc je dis pas que c'est votre cas parce que ça fait un moment que je vois sur la place tout ça. Mais dans ces sujets-là, on a tendance à opposer les gens et je pense pas que ça soit la bonne chose. On oppose les gens avec ceux qui profitent de ce système-là et ceux qui ne profitent pas. Alors qu'on parle de ces consommateurs-là, lorsque vous me parlez des gens de Blablacar, tout ça, il n'y a pas de... Voilà, oui, on peut parler de du propriétaire des voitures partagées, là. Comment on appelle ça, là qui s'est fait brûler la dernière manif. Autolib, voilà. Autolib, oui, ça c'est, on peut opposer Autolib à un citoyen. Mais les citoyens qui utilisent ces réseaux-là pour faire ces choses-là, bon, c'est comme le petit plombier qui va devenir concurrent d'un artisan. Bah tant mieux pour lui s'il arrive aussi à manger. Et puis bah peut-être ça va être un peu difficile pour l'artisan. Et puis bah il faut essayer de penser à demain et essayer de penser comment on va faire les choses. Mais on peut pas non plus utiliser ce qui se passe aujourd'hui et se dire que c'est forcément quelque chose de négatif, c'est forcément quelque chose qui va baisser le niveau de vie des gens. Voilà. Après, oui, il faut trouver des moyens pour ne pas que ça devienne une autre exploitation, qu'on passe, vous disiez, le salariat, c'est l'exploitation. Alors ça serait une autre exploitation. Le fait de travailler finalement seul et d'avoir... Aucun moyen d'être sûr de ce qu'on va avoir le lendemain, de ne pas avoir de carnet d'adresse, de ne pas avoir de protection de sécurité sociale, tout ça. Ok, ça c'est des sujets qu'on comprend. Maintenant, voilà, ne pas opposer les gens et puis essayer de penser demain pour ne plus être exploité. Mais alors peut-être que je suis optimiste, mais le fait qu'on se dise que les gens deviennent de plus en plus autonomes quelque part économiquement, c'est-à-dire qu'on peut travailler pour son compte. Le jeune homme, il est en informatique, bah, au lieu d'être salarié, il va être entrepreneur dans l'informatique ou ce genre de choses. Bah, je le vois, je préfère peut-être cette situation à celle qu'on connaissait il y a encore 10 ans, où bah, c'est soit tes patrons, soit tes salariés. Aujourd'hui, il y a des nouvelles formes qui arrivent. Voilà, faut accompagner ces choses-là et y réfléchir. Alors là-dessus, d'accord, il y a de nouvelles choses qui arrivent et éventuellement les accompagner, mais il y a quand même un gros problème de dérive. Je pense par exemple au côté entrepreneur et surtout auto-entrepreneur. Là, sur ce côté-là, moi je pense qu'il y a un gros problème, un gros problème déjà d'un cadre législatif, parce que le statut d'auto-entrepreneur, je trouve qu'il est quand même très très mal encadré d'un point de vue légal. Je dis ça simplement, donc pour la petite anecdote, moi je suis commercial, mais j'essaye de changer. Hein. donc disons, je fus commercial et comme la plupart des commerciaux qui cherchent un boulot, j'ai été contacté par un nombre assez incalculable d'entreprises. Sur le nombre d'appels que j'ai eu, on va dire qu'il y a 90% de, je suis désolé, ça enregistre, mais de foutage de gueule. C'est-à-dire que j'ai été contacté, alors en plus j'ai été contacté plusieurs fois par la même entreprise, qui est une entreprise donc de, je ne me souviens plus du nom, mais il y en a plein, hein. il y en a un nombre assez incroyable. En gros, ils sont dans de la finance. Donc le but du jeu, on me proposait de vendre de l'assurance vie, de vendre de l'assurance, tous ces produits financiers auxquels je n'adhère pas. Mais c'était la méthode. C'est-à-dire que jusqu'ici, en tout cas avant le statut auto-entrepreneur, tu étais embauché en CDI, en CDD, en stage, en VAE, en bon, tout ce que vous voulez. Là, on me proposait, j'en demande, c'est quoi ? C'est un CDD, c'est un CDI, c'est un contrat d'auto-entrepreneur. D'accord. Donc, contrat d'auto-entrepreneur, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai droit à une formation parce qu'elle est obligatoire et elle est validée par l'État. Pour travailler dans la finance, c'est obligatoire. Elle est payée par l'entreprise. Youpi. Donc, ils payent 3000 balles, en gros, pour la formation. Ça dure 2 mois. Pendant 2 mois, ils me versent l'équivalent de 700 euros, je crois, parce que, bon, bah, pendant 2 mois, je gagne pas d'argent, il faut bien vivre. Et ensuite, c'est du 100% variable. C'est-à-dire que si je suis un mauvais commercial, je ne gagne pas d'argent. Cela dit, ça peut éventuellement être logique. Sauf que moi, je donne quand même mon temps, donc je loue mon temps. Hein. Le travail, ça reste quand même de la location de temps et de force, de main-d'œuvre, de compétences, qu'elles soient intellectuelles, physiques, etc. Mais ça reste quand même de la location de temps. Donc je loue mon temps, mais j'y gagne rien. En tout cas, pour ceux qui connaissent pas le fonctionnement d'un commercial, généralement, un commercial, quand il arrive dans une nouvelle boîte, le premier mois, le deuxième mois, il vend pas ou peu. Éventuellement, s'il est bon, il va vendre un petit peu, mais il y a quand même un temps d'adaptation dans une entreprise. Donc ça veut dire que là, concrètement, pendant 2 mois, je touche rien. Et comme je suis auto-entrepreneur, je peux me faire virer du jour au lendemain, parce que je suis mon propre patron, même si je travaille pour une autre entreprise, une grosse entreprise, donc je peux me faire virer. Évidemment, l'entreprise ne cotise pas à mes vacances, ne cotise pas à ma sécurité sociale, ne cotise pas à mon chômage. Et donc, par conséquent, c'est un sujet qui a été abordé dans les médias, mais par conséquent, ça veut dire que l'entreprise ne prend aucun risque à m'embaucher, et ne prend aucun risque à son activité. Tous les risques reposent sur l'auto-entrepreneur. Et ça, c'est une dérive qui personnellement me fait mal, parce que le fonctionnement d'une société ne devrait pas reposer sur le risque que quelqu'un se retrouve au chômage parce que la société ne fonctionne pas bien. C'est quelque chose qui, enfin, moi, ça me fait mal. Voilà. Je vais juste me faire l'avocat du diable en te disant que si le patron il peut te virer du jour au lendemain, toi aussi tu peux aller chercher du jour au lendemain. Mais bon, il y a auto-entrepreneur, mais il faut bien qu'on se souvienne que auto-entrepreneur c'est juste une forme d'indépendant qui est possible. Il y a plein d'autres formes qui sont possibles, il y a plein d'autres formes de sociétés qui sont possibles. Et l'auto-entrepreneuriat c'est la forme la plus pourrie parce qu'elle nous bloque un certain chiffre d'affaires et puis voilà. Mais pour la sécurité, d'après ce que j'ai entendu, vous êtes peut-être plus au courant que moi, aujourd'hui on va pouvoir être entrepreneur et cotiser pour le chômage, donc avoir sa société, être commerçant et pouvoir cotiser pour le chômage, ce genre de choses. Donc ce libéralisme qui nous attend, on nous met un peu de la sauce aussi sociale, d'après ce que j'ai vu hein, sur ce côté-là. Enfin, c'était juste pour très vite terminer sur l'auto-entrepreneur. L'auto-entrepreneur est un régime pour les indépendants qui a été prévu pour ça et dans ce but. Supprimer les salariés pour les remplacer par des indépendants qui prennent toute la merde à leur charge alors qu'ils prennent les risques pour l'entreprise. Et oui, il y a un libéralisme qui se matine d'un petit peu de social ces derniers temps. C'est juste un truc, c'est que s'ils le font, c'est juste pour aller encore plus loin dans l'ultralibéralisme. C'est pas au bénéfice des plus faibles. Juste un truc que tu disais par rapport au risque. Effectivement, dans la société, dans une entreprise, donc une entreprise au niveau économique, et on parle de société au niveau juridique, mais pour cette entité-là, justement, ce qui fait sa raison de vivre, donc c'est la recherche du profit, mais ça repose sur le fait que c'est une entreprise risquée et qu'on prend des risques. Donc effectivement, quand tu dis que ça me fait mal, ça doit faire mal au modèle entier. De se dire qu'une entreprise ne prendrait plus de risques et que ce risque-là ne reposerait que sur ceux qui travaillent pour cette entreprise. Donc, oui, carrément. Bon, il y avait... je ne sais pas quelle est exactement la différence, mais il y avait ce qu'on appelle depuis très longtemps le travail au noir, où des gens, par exemple des artisans, qui travaillaient... avec leur charge la semaine et qui le week-end. Moi, j'ai connu ça dans ma famille. Ne paye pas de charge et travaille au noir, quoi. Ça existe il y a plus de 50 ans dans menuisier, plombier, artisan, maçon, etc. Ouais, ça a toujours existé, ça existera toujours. Hein. Oui, enfin, d'après moi, c'est l'ubérisation, c'est la modernisation du travail au noir, c'est tout. Et je voulais opposer personne à personne quand je parlais de comme quelqu'un qui loue sa voiture, c'est j'ai rien contre lui. J'ai pensé qu'il était chômeur et puis qu'il se débrouille comme ça et c'est très bien pour lui. Seulement qu'il est dans toute cette transformation sociale, il y a un problème de justice quand même. Parce qu'il y a ceux qui payent pour travailler et qui ne peuvent plus travailler, et il y a ceux qui payent rien et qui travaillent. Alors il y a un truc qui ne va pas quand même au départ. Alors il faut changer le régime de justice dans lequel on peut travailler. C'est pas simplement dire c'est le plus démerdard, il se démerde, et puis les autres, il n'a qu'à crever, et puis c'est tout, quoi. Je sais plus comment on appelle ça, mais enfin, dans le libéralisme, le plus faible, il meurt, et puis c'est normal, il disparaît. Mais je crois que le problème principal, c'est un problème de confiance. C'est que, comme le travail évolue, le rapport humain évolue, la monnaie évolue aussi, mais le principe de confiance entre êtres humains, il évolue pas. C'est-à-dire, on a encore, à mon avis, hein, ça c'est l'habitude de, quand deux personnes se rencontrent qui ne se connaissent pas, disent, celui-là, je peux lui faire confiance ou pas? C'est oui ou non. Alors qu'il y a des tas de niveaux de confiance possibles qu'aujourd'hui, on doit commencer, à mon avis, à élaborer. Dire à qui je fais confiance, pourquoi je fais confiance, à partir d'où, jusqu'où, dans quel domaine, etc. Comment on peut négocier? On pouvait négocier avec la monnaie, maintenant on peut négocier avec la confiance. Mais on n'apprend pas ça. Et à mon avis, il n'y a pas d'autre solution. Enfin, je donnais un exemple, comme on parlait de... Il y a 30 ans, je faisais partie des... Ah oui. Oui, je vais refaire l'ancien combattant, c'est chouette. Il y a 30 ans, je faisais partie des éco-villages, c'est-à-dire des groupes de personnes dans un village, s'il y a 10 familles, tout le monde se met à faire une maison pour quelqu'un, ensuite la deuxième maison pour quelqu'un d'autre, la troisième maison, etc. Et le village se construit peu à peu avec il n'y a que les matériaux à acheter et tout le monde se met à construire les maisons pour tout le monde. Et après, tout ça, quand ça appartient à tout le monde, chacun retourne dans sa maison qui lui appartient, etc. Seulement que 99% des cas, ça n'a pas marché. Parce que il y avait pour simplifier, les vieux qui avaient l'argent et les jeunes qui avaient l'énergie pour le faire. Et ils n'ont jamais réussi à se faire confiance. C'est-à-dire qu'au moment où il faut partager l'argent, il faut sortir de l'argent, celui qui en a, il dit mais ces gens-là, moi je les connais pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont vraiment me construire ma maison? Enfin, bref, tout le monde s'est séparé, a fait son truc dans son coin, se construit sa maison. Et j'ai essayé de faire voir aussi dans le principe des selles, enfin tout ce qui est échange, les systèmes d'échange local, il y en a plein. Il y a des manières différentes de faire confiance. Même dans les selles, il y a aussi ce qu'on appelle les blés, les bourses. Comment c'est la bourse enfin, à certains moments, tout le monde se retrouve au même endroit pour donner ou prendre des objets, mais toujours avec la monnaie alternative. Et là, on apprend à négocier. Parce que comme c'est une monnaie qui n'existe pas, c'est pas les euros ni les francs, c'est un peu compliqué parce qu'au départ, par exemple, j'ai vu que tout le monde est paniqué. Je veux acheter, je sais pas, un robinet pour ma salle de bain. Évidemment, si je pourrais dire, je t'en donne 1000 piafs. De toute façon, ça vaut rien. Ou je t'en donne 10, ou je t'en donne 1000, ou 10 000. Ça n'a aucun sens. Mais c'est dit, bon, il faut quand même que je réfléchisse. Dire, mais à la personne qui le vend, dire, mais toi, combien t'en veux? Ah, moi, j'en veux 200 piaf. Alors là, ça commence à réfléchir, ben, dit, ben non, 200, c'est un peu trop, moi, je t'en donne 100. Et là, en fait, c'est pas l'argent, c'est pas la quantité, c'est la qualité de la relation qui compte. Je vois à qui j'ai affaire, comment j'ai affaire, parce que la même personne, je vais la retrouver dans c'est un groupe local, dans le quartier ou dans le village. Donc je vais la revoir. Si j'abuse, si j'exagère, après je ne pourrai plus faire des choses. Ou si je sens que je me fais avoir, c'est moi qui vais partir. Alors il y a un équilibre à trouver, mais un équilibre dans le groupe. C'est pas n'importe quoi. Un équilibre de confiance réciproque. J'aurais pas expliqué, mais à mon avis, c'est ce qu'on doit apprendre à faire avec tout le monde. Juste parce que tu as introduit quelque chose dont on n'a pas parlé encore, alors que c'est un petit peu fondamental sur cette question du droit à la propriété. On a pas mal parlé en fait du droit à la propriété une fois les objets constitués. C'est-à-dire, est-ce qu'on les partage ou pas, mais il y a aussi l'accès, donc la propriété des moyens de production qui permettent de construire justement tous ces éléments-là, et la propriété des ressources de base. C'est-à-dire, un, les territoires, les terrains, les formes de vie, en fait, qui sont exploitées et qui sont déjà prises dans un rapport de propriété, que ce soit au niveau minéral, végétal, animal, enfin, voilà. Et peut-être que, justement, il y aura toujours une limite, en fait, de penser de remettre en cause la propriété au niveau des objets constitués à partir du moment où on ne remet pas en cause la propriété en amont. Mais donc, la propriété en amont, c'est-à-dire déjà à la base au niveau des territoires, en fait. Parce que les moyens de production, ça demande des compétences pour les construire, mais encore une fois, pour les construire, il faut un matériel de base, et si ce matériel de base est soumis à la propriété de quelques-uns, enfin, d'où la création des monopoles aussi. Donc voilà, je voulais juste introduire ça. Après, j'y ai pas assez réfléchi pour en dire plus, mais je pense que il faut peut-être aussi qu'on aille gratter là-dedans, quoi. Alors du coup, là, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et j'ai envie de revenir sur trois choses en tout. La première, je voulais revenir sur ce que disait donc Bruno sur le fait que le statut d'auto-entrepreneur est... Ça marche là ? Oui. A été finalement mis en place pour une raison malhonnête, moisie, par l'État. En sachant que ta question, Adèle, au départ, était est-ce que toutes ces transformations dont on parle et qu'on peut imaginer ou qu'on imaginera plus tard devraient passer par l'État ou devraient passer par nous. Moi, je vais répondre à ça par une autre question, mais c'est est-ce que finalement ça peut passer par l'État ? La question du statut d'auto-entrepreneur me laisserait dire que non. Ça peut pas passer par l'État parce que l'État joue en fonction de certains avantages et certaines raisons qui ne sont pas la raison du plus faible, on va dire. Alors que par contre, toujours sur la question du statut d'entrepreneur et sur mon expérience personnelle avec ces entreprises qui voulaient me recruter entre guillemets en tant qu'auto-entrepreneur, si simplement tous les gens qui sont contactés par ce type d'entreprise leur disaient d'aller se faire voir bien comme il faut, peut-être que ce type de dérive existerait moins, voire n'existerait plus au bout d'un moment parce qu'ils trouveraient personne preneur. Ce type de grandes sociétés de finances, elles utilisent des auto-entrepreneurs et elles arrivent à se faire un fric monstre parce que je rappelle encore une fois que c'est un fonctionnement au 100% variable, ce qui veut dire que le salaire de quelqu'un sort uniquement par rapport à son travail fourni et donc sa capacité à vendre, ce qui veut dire que l'entreprise ne déboursera jamais 1 euro sorti de la formation et sorti de cette rémunération, on va dire, pendant la formation. Mais après ça, elle ne sortira jamais 1 euro de sa propre poche. Donc, elle ne sortira pas 1 euro qui ne sera pas fabriqué, entre guillemets, par l'employé lui-même. Maintenant, si déjà tous les employés de ces entreprises se tirent et que tous les gens qui sont contactés par ces entreprises leur disent non... déjà peut-être que ces entreprises se casseront la gueule et on vivra peut-être dans un monde plus sain. Est-ce qu'ils peuvent ? Alors ça, c'est l'autre problème. Parce que là, on joue sur la misère des gens. Il faut bien aussi comprendre, effectivement, j'en ai rencontré quelques-uns, que les gens qui sont contactés par ces entreprises, ce sont des gens qui sont au chômage, donc qui sont en besoin d'argent et en besoin de travail. Et ce sont généralement des gens qui sont prêts à prendre n'importe quel travail, en sachant que les gens, donc les recruteurs, ce sont des commerciaux, hein, ils vendent très très bien leur truc. Moi, on m'a dit que j'allais me faire 80 000 euros par an sur un statut d'auto-entrepreneur, sachant que, comme tu le disais, il est plafonné. 80 000 euros par an, ça s'appelle une EURL chez moi. Hein, c'est un autre statut juridique. Donc, ils sont très bien préparés pour vous retourner le cerveau et ils savent qui cibler. Hein. C'est un marché, c'est du marketing. Ensuite, deuxième point, tu parlais de confiance et donc savoir fonctionner en confiance. J'ai pensé à une citation que j'aime bien. Parce que la confiance, on peut, enfin, pour, j'arrive à mon propos en tout cas, parler de morale et de moralité. Par exemple, j'entendais un gars de, je sais plus quelle émission, poser la question à Pierre Gattaz, est-ce que c'est bien moral de laisser les entreprises envoyer de l'argent dans les paradis fiscaux ? Pierre Gattaz et donc le MEDEF se dit contre les paradis fiscaux, mais pas contre les entreprises qui profitent de ce système. Donc il lui demandait si c'était moral. Moi, je me suis souvenu d'une phrase qui dit simplement que les riches ont inventé la morale pour que les pauvres ferment leur gueule. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et troisième point, là, du coup, sur ce que disait Adèle, sur le on parle de la propriété des objets fabriqués finis. Tu parlais de la propriété des moyens de production. Il y a un économiste qui a, donc un économiste trotskiste ou un truc comme ça, enfin avec des idées de gauche, qui parlait de ça dans une émission, qui imaginait un monde où les entreprises sont pas possédées par les actionnaires, mais possédées par les employés. Et ça revient peut-être à, enfin ça peut être éventuellement une idée de ce que tu disais, en sachant que on parlait également donc tout à l'heure de compétences, parce que pour faire fonctionner une entreprise qui produit quelque chose, il faut des compétences. Et sans ces compétences, l'entreprise ne fonctionne pas. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que les actionnaires qui possèdent les entreprises, on va prendre par exemple les actionnaires d'une entreprise de voitures, comme ça on cite pas de marque, les actionnaires, ils sont incapables de fabriquer une voiture. C'est qu'on soit clair, hein. Je sais pas, les entreprises qui fabriquent des téléphones, les propriétaires de l'entreprise sont incapables de ne serait-ce que faire fonctionner la machine qui permet de fabriquer le circuit intégré pour le téléphone. Donc on pourrait effectivement imaginer un monde où les entreprises sont possédées par les employés sur une question d'apport de compétences, finalement. Voilà. Sur les auto-entrepreneurs, je crois qu'il y a deux visions en fait. Il y a la vision un petit peu, on va dire, libérale, et puis la vision plutôt, je vais pas dire sociale, mais je vois deux visions du droit. Il y a d'une part l'idée libérale, donc qui va dans le sens de l'auto-entrepreneuriat et dans le sens de l'ultralibéralisme, où finalement on est dans la loi de la jungle, où chacun doit survivre et que c'est l'entreprise la plus puissante qui grandit, et puis la plus faible, elle doit mourir. C'est nécessaire pour la perpétuation de l'espèce et pour le déploiement de la puissance. Et d'ailleurs, Michel Foucault en parle dans la biopolitique, où il dit que dans la logique non libérale, ils veulent arriver à un niveau où chaque individu est identifié à une entreprise, en fait. On est tous des petites entreprises qui doivent rationaliser leurs moyens de production, d'accumulation d'argent. Et puis, d'un autre côté, il y a la théorie du contrat qui dit... Et alors attention, parce que cette vision libérale, elle repose sur ce qu'on appelle le droit naturel. C'est-à-dire que pour eux, en fait, il y a un droit naturel, c'est dans la nature des choses. Il faut laisser chaque être humain chercher à défendre égoïstement son intérêt particulier. C'est comme ça que ça fonctionne. Et que chercher à mettre des lois, des droits, tout ça, c'est du pipeau, ça marche pas, c'est contre-productif. En aidant les pauvres, on les désincite à travailler, etc., etc. Donc moi, c'est ça que je vois. Je vois il y a deux visions de la société. Une première vision libérale avec un droit naturel, où là, on dit non, les auto-entrepreneurs, c'est bien parce que ça marche. Et regardez les États-Unis, c'est la première puissance économique. Et c'est eux qui l'ont initié. Et de l'autre côté, on dit non, regardez la France, il y a le solidarisme, il y a le salaire minimum, il y a la sécurité sociale, etc. Donc voilà, moi je pense qu'il y a ces deux visions-là. Et comment trouver une voie du milieu? Alors, est-ce qu'il y a l'État? Est-ce qu'on est dans une vision anarchiste? Moi, je dis, pourquoi pas l'entrepreneur? Pourquoi pas? Moi, je préfère être qu'on soit indépendant. Mais à ce moment-là, qui est, comme tu dis, une sécurité. Par exemple, on parlait du revenu universel. Bon, maintenant, on en parle moins. Mais par exemple, s'il y avait une sécurité qui serait garantie à tout le monde, on pourrait tous être des auto-entrepreneurs. Mais on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Donc, je pense qu'il faudrait trouver une voie du milieu qui permettrait à la fois de garder la performance de la vision libérale et en même temps d'avoir la sécurité qu'apporte la théorie du contrat. Alors, très vite, hein, sur la propriété des moyens d'exploitation que tu as évoqué, il y a juste un truc, c'est que ça existe déjà en France, hein, ce système, c'est le principe de la SAPO. Le drame, c'est qu'il n'y en a jamais eu beaucoup, il n'en reste plus que deux en France actuellement, je crois, et qu'on n'en fait surtout pas la publicité. Dire que le salarié est propriétaire d'une part de la société de par son travail, c'est pas à la mode en ce moment. Ensuite, sur la propriété des terres, bah, j'aime bien le principe des Indiens, c'est-à-dire que les Amérindiens, comme on dit un peu à tort plutôt, c'est on n'est pas propriétaire de la terre, on est juste gardien de la terre de nos futurs descendants. Et c'est une notion qui permettrait peut-être d'utiliser la terre et d'exploiter de manière plus rationnelle. C'est-à-dire que c'est celui qui utilise la terre, celui qui l'exploite, qui a le droit de l'exploiter, à condition de respecter cette terre. Mais bon, là, j'ai pas encore bien réfléchi au sujet. Il faudrait peut-être développer ça un peu plus tard, quoi. Ah, et sur la loi naturelle du libéralisme, déjà le terme qui a été choisi est un énorme mensonge. Dans tout le fonctionnement économique, il n'y a rien de naturel. C'est une construction totalement artificielle. Et donc, s'appuyer sur des lois naturelles pour justifier ça, c'est juste une aberration profonde. Et complètement. Je mets juste un exercice sur pour arriver en effet à le fonctionnement des Amérindiens. Bah là, justement, ça va être peut-être on le développera à l'atelier suivant. On peut le développer là, mais comment on pourrait faire pour arriver à ça, parce que là, il y a du boulot. Oui. Attends, je me rappelle plus. Enfin, je voulais te... De quoi tu parlais déjà? Je me rappelle déjà plus. C'est le... De quoi tu parlais? Ouais. Ben c'est pas grave. Moi je voulais parler, mais bon, il faut que j'y réfléchisse aussi. C'est le. Dans. Ivan Illich, il parle de. C'est un historien, de comment c'était. Sans aller jusqu'aux Amérindiens, comment c'était en Europe au Moyen-Âge, où il y avait tout ce qui était dans le village, ça appartenait à quelqu'un. Et ce qui était à l'extérieur du village, ça appartenait à tout le monde. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les biens communs, voilà. C'est-à-dire l'air, l'eau, tout ce qui est commun à tout le monde, que tout le monde a besoin, ça n'appartient à personne. Mais tout le monde peut en profiter s'il y a nécessité. Non, c'est dommage qu'il est parti, parce que... Et si quelqu'un peut m'expliquer le lien qui est entre moralité et confiance, moi j'aimerais bien. Oui, par rapport au droit naturel, c'est vrai que ça me fait penser à ce que disait Rousseau par rapport à Bernard de Mandeville, qui est l'un des théoriciens du droit naturel, et qui parle justement d'une fable des abeilles, où il explique que finalement les vices privés sont générateurs d'intérêts de biens publics. Et donc, à partir de là, s'est construite toute la théorie d'Adam Smith sur la richesse des nations, etc. Et Rousseau va dire, il va inverser la fable des abeilles, il va dire non. En fait, dans la théorie des abeilles, le vice est naturel. C'est-à-dire que pour Bernard de Mandeville, ou pour les tenants du droit du libéralisme, l'homme est naturellement vicieux, quoi. Et donc, il est naturellement poussé à être égoïste, etc. Et Rousseau, qui défend justement l'idée... Je ne vais pas dire de l'homme bon par nature, mais lui, en tout cas, il dit que non. Il dit, en fait, ce qu'il appelle, c'est l'envie, c'est le désir de prestige et d'accumulation qui est générateur du vice, et pas l'inverse. Et donc, du coup, il va dans ton sens. Il dit, comme tu dis, il dit, il n'y a pas de droit naturel, en fait. Ou en tout cas, il dit qu'il y a un droit naturel, mais lui, il distingue l'état de nature et l'état de culture. Et Rousseau nous dit que l'homme est un être de culture et qu'il doit lui-même créer une loi. Il ne doit pas se soumettre au droit naturel. Alors que la théorie de Mandeville ou du libéralisme, elle dit non. L'homme, il doit se soumettre à la loi de la nature, comme les abeilles. Il ne peut pas inventer des lois par lui-même, par sa culture. Voilà. C'est peut-être justement la question que tu posais sur ce rapport à la morale, où là, c'est très intéressant ce qu'il vient de dire, c'est un très bon exemple, où les riches vont inventer cette idée de droit naturel comme étant quelque chose qui fonctionne comme ça, on ne peut pas lutter contre, pour dire « ne luttez pas contre ». Et eux, ça les arrange. Enfin, voilà. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'ils le disaient, notamment. Et puis aussi, tout l'aspect moralisateur qui permet que les gens ne se plaignent pas. Bon, on peut mettre la religion aussi là-dedans, bien entendu. Hein. Quand je disais que la théorie de l'économie, les théories d'économie n'ont rien de naturel, c'est essentiellement par le fait que il y a un mensonge qui nous a été largement abreuvé, c'est que la loi de la nature, c'est la loi du plus fort et du plus adapté. Le plus fort survit. Or, dans la nature, ce n'est pas ça. Ce n'est absolument pas ça. C'est la loi de la nature, c'est un enchaînement d'équilibres instables. C'est-à-dire que il ne faut pas que il n'y a pas un animal plus fort et plus puissant que l'autre. Il y a un animal qui joue un rôle précis dans l'équilibre de du biotope. Et si cet animal entre en croissance, devient plus puissant, il détruit cet équilibre et l'environnement périclite. Et en fait, les lois économiques qui nous fonctionnent tout à fait à l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a un besoin de croissance réfrénée, effrénée, continue, sinon l'économie échoue. Et c'est un fonctionnement qui est contre-naturel au possible, et c'est pour ça qu'il faut qu'on en sorte. Parce que c'est un système qui va de l'avant, qui est aveugle et qui mène perpétuellement une impasse. Et à chaque fois que ça se casse la gueule, c'est par le biais du gouvernement, c'est nous qui payons pour établir un équilibre qui nous écrase. Faut en sortir, quoi. Faut revenir sur un système plus naturel, c'est-à-dire que il faut qu'on redevienne plus interdépendant des autres et ne pas chercher à dominer l'autre, parce que dominer l'autre, c'est détruire l'équilibre. Juste, je reprécise pour les personnes qui viennent d'arriver. Donc là, on est dans notre atelier hebdomadaire. On avait fait une première partie sur laquelle on définissait la société dans laquelle on voulait vivre. Et donc là, on est sur la deuxième partie. On reprend les propositions concrètes qui ont été faites du monde dans lequel on veut vivre. Et maintenant, on se pose la question, comment est-ce qu'on fait pour y accéder? Et donc aujourd'hui, on était sur la question du droit à la propriété. Et ce qu'on essayait de développer comme proposition, c'était passer d'une propriété donc qui est actuelle, donc lucrative, à une propriété, mince, j'ai plus le mot, d'usage, merci. Et donc propriété d'usage qui signifie que on est propriétaire d'un bien au moment où on en a besoin, et quand on en a plus besoin, ça peut passer à quelqu'un d'autre. Donc voilà, je repositionne juste la chose, mais il y avait des personnes qui voulaient s'exprimer. Oui ? Alors, on parlait de confiance. Justement, le mot fiduciaire, donc la monnaie, ça vient de confiance, hein, justement. Donc là, c'est le rapport qu'on disait là-dedans. Non, c'était par rapport à la morale. Tout à l'heure, il était question de dire que les riches avaient inventé la morale pour pousser les pauvres à défendre le bien sans comprendre qu'en faisant ça, en fait, ils défendent leur propre servitude. Enfin bon, j'essaie de retrouver une citation de Spinoza, mais c'est pas... Mais par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, par rapport à la morale, par rapport à... Et en fait, Rousseau, celui ce qu'il fait, c'est qu'il invente pas, mais... Il théorise ce qu'il appelle la religion naturelle. Pour Rousseau, la religion naturelle, c'est la conscience, c'est le fait que qu'il y a un devoir de solidarité, que tous les hommes sont égaux, etc., etc. Bon. Et donc à partir de ça, il formule une religion naturelle. Et lui, ce que dit, et d'ailleurs Robespierre reprendra ça en créant ce qu'il appelle, il y avait une fête en France qui avait lieu le jour de la Pentecôte pendant la Révolution française, qui s'appelait la fête de l'être suprême et de la nature. C'était le 8 juin, et c'était une grande fête. Et donc l'idée de l'être suprême chez Rousseau et chez Robespierre, c'était justement pour trouver un dépassement dialectique de ça, en disant qu'il y a deux écueils qu'il faut éviter. D'une part, pour eux, il y avait ce qu'ils appelaient le matérialisme bourgeois, donc le libéralisme, qui pose la nature donc comme la divinité absolue. Hein, faut se soumettre à la loi de la nature. There is no alternative, il n'y a pas d'alternative. Et ça, Rousseau et Robespierre le critiquent parce que justement, c'est ce qu'ils appellent le matérialisme bourgeois, le nihilisme, etc. Et l'autre écueil, c'était justement la religion du, enfin ce qu'ils appellent la religion du prêtre, mais c'est plutôt la religion qui permettait justement de légitimer les rois et donc de faire une morale, mais qui était au service des riches en fait. Et donc, à partir de là, Rousseau, il propose une voie du milieu avec le déisme, l'être suprême, et de créer justement une religion naturelle, mais qui soit au service des pauvres. Donc voilà, je sais pas pourquoi je suis parti là-dessus, mais bon. Moi, je vais dire un truc qui me paraît important maintenant, c'est que l'homme n'est pas naturel. Nous, on est là sur la planète, mais on est en plus. Dire c'est et le fait qu'il y ait un droit, pourquoi il faut des règles? Bah, je revendique le droit de dire des conneries si j'ai envie. Oui, mais je fais un exemple, c'est qu'on a inventé le droit. C'est-à-dire le droit à propriété, le droit de nationalité, etc. Mais on a besoin du droit à partir du moment où on se fait plus confiance. Et la confiance, c'est quelque chose de naturel. Quand on va à l'étranger, par exemple, on rencontre quelqu'un, on ne connaît pas les lois du pays, on ne connaît pas les coutumes, on ne sait même pas comment il faut dire bonjour ou au revoir. Mais on fait confiance. Et on regarde, on observe et on instinctivement, je veux dire, on sait à qui on a affaire. On peut se tromper. Mais on sait à qui on a affaire. Ça veut dire que chaque être humain a en lui un instinct. C'est pas une morale, c'est pas une religion, c'est un instinct intérieur parce qu'on a tous besoin les uns des autres, de toute façon, un jour ou l'autre. On peut pas se passer des autres. Mais pour pouvoir vivre ensemble, il faut se faire confiance. Donc il faut savoir comment se faire confiance, mais on pourra l'apprendre vraiment qu'à partir du moment où il y aura plus de droits. Et à ce moment-là, on pourra vivre naturellement. N'hésitez pas, si vous voulez prendre la parole, ouais, je voulais réagir là-dessus, parce que je suis quand même pas tout à fait d'accord. Bon, déjà, sur l'aspect, on est naturel, on n'est pas naturel, bon, disons qu'on a un corps qui fait partie des autres corps en présence dans différents espaces, donc là-dessus, on peut dire qu'on a une espèce de nature au moins physique. Par contre, en effet, là où on ne peut pas dire que la société, par exemple, est naturelle, même que la confiance soit naturelle, même l'instinct, enfin, je veux dire, l'instinct, ça n'existe plus chez l'être humain. Mais pourquoi ? Pour moi, en fait, ce moment où on sort de la nature, on parlait de Rousseau tout à l'heure, c'est tout simplement déjà parce qu'on a développé un langage et un certain mode de représentation entre nous, qui fait que la façon dont on échange les uns avec les autres et le rapport qu'on a au monde n'est plus un rapport direct de corps, c'est un rapport de représentation. Parce que muet par le langage, parce que muet par des images. Donc, à partir de là, en effet, ces représentations, en fonction de la culture dans laquelle on évolue et des discours dans lesquels on peut grandir, et donc et à partir desquels notre psychisme est construit, va faire que on va recevoir ce qui se passe au niveau de l'autre d'une certaine façon. Et à partir de là. Ça veut dire que, en fait, tout est possible dans l'ordre humain à partir du moment où il y a du langage. C'est-à-dire qu'on pourrait inventer n'importe quelle société à partir du moment où on transforme la langue, les images qui vont avec, les représentations qui vont avec. On pourrait inventer n'importe quelle société. Donc c'est un aspect assez inquiétant et c'est un aspect assez génial. Parce que ça veut dire qu'on peut aussi se faire attaquer par des feuilles. Et donc ça veut dire qu'en fait... D'un côté, tout est possible. Et c'est là où, comme tout est possible, parce qu'on n'est plus sur un rapport de... Je veux dire, le rapport de corps, il est limité par les corps, quoi. Je peux pas le dire autrement. Tu te prends un mur, tu te prends un mur. Tu vas pas traverser le mur par ta pensée. Le mur est là. Par contre, tu vas être dans un contact avec un autre. Tu vas pouvoir, par le langage, créer des biais qui vont transformer même la perception qu'il a de toi-même et donc transformer sa façon de penser et peut-être même, demain, transformer son quotidien. C'est pas un rapport de mur, c'est pas du tout la même chose. Donc du coup, à partir du moment où ça existe, il faut des règles. Des règles pour limiter justement ce qui serait de l'ordre de la destruction, parce que bon, on parlait tout à l'heure de la valeur marchande, je m'arrête là après. C'est parce qu'actuellement on est dans ce mode de représentation dans notre société occidentale. Mais ça peut être transformé, mais ça met du temps, parce que tout ça, c'est pas... Je veux dire, le psychisme, il se construit pas non plus comme ça, ni en 10 minutes, ni en 10 ans. Enfin, c'est des choses qui ont pris énormément de temps dans l'histoire, et la preuve, c'est que le langage n'évolue pas d'une façon extrêmement rapide. Oui, excusez-moi, j'ai toujours peu d'aise pour parler en public, mais j'aimerais mettre trois facteurs pour deux choses précises. La première, en arrivant ici, en entendant beaucoup parler des auto-entrepreneurs, on revient sur le sujet un peu en amont. Mais je pense toujours à Théodore Monod, un monsieur que j'ai eu la grande chance de connaître dans ma vie, qui disait tout simplement, tant qu'il y aura du profit, il n'y aura pas de raison. Ça, c'est une première chose. Le discours sur le langage, il est fort beau, mais ce sont des conventions à accepter ou à refuser. Là, l'éducation devient primordiale. L'esprit critique, c'est ce que la société n'enseigne plus. J'entends monsieur discourir à grand flot de Rousseau. Très bien, Rousseau. Un peu fascisant. Hitler aussi était un peu fascisant. C'est le même sujet. Il faut le disserter. Il faut l'écouter, le poser et prendre le temps de la méditation. C'est tout ce que j'avais à dire. Je serais ravi de vous entendre nous expliquer en quoi la pensée de Rousseau est fascisante. Et par rapport à la question de l'homme et de la nature, en fait, Rousseau, justement, il donne une réponse. Il dit qu'en fait, il y a l'état de nature, il y a l'état de culture. Et pour lui, en fait, ce qu'il appelle le concept de volonté générale, c'est justement ça. C'est l'autonomie. On en revient à l'auto-entrepreneur. Rousseau, Kant a dit de Rousseau que c'était le Newton de la morale, parce que c'est le père, justement, de la question de l'autonomie. Mais l'autonomie chez Rousseau, c'est quoi? C'est la démocratie. Et la démocratie, par l'expression de la volonté générale, de la coexistence des consciences et de l'accord mutuel des consciences. Et donc, à partir de là, on va pouvoir faire une loi commune. Et donc, l'expression de la volonté générale, pour Rousseau, c'est ce qui nous relie, c'est ce qui fait que l'homme et la nature, c'est la même chose. Et que l'expression de la nature, chez Rousseau, c'est la volonté générale. Donc, pour moi, et d'ailleurs Robespierre, par rapport à la fête de l'être suprême et de la nature, disait que le prêtre de l'être suprême, c'est la nature, son temple, c'est l'univers, il disait, je crois, ses commandements ou son éthique, c'est la vertu. Voilà. Donc moi, pour moi, ça c'est... Voilà. Mais oui ? Probablement pas les mêmes sources qui sont probablement très universitaires chez vous, mais je m'aperçois d'une chose, c'est que l'être suprême entre Robespierre, venant, déclinant effectivement de Rousseau, etc., précurseur de la Révolution, faussement précurseur, mais ça serait long à disserter, il y a juste une chose, c'est qu'à l'époque, le peuple parisien voulait un être suprême. Il fallait remplacer à tout prix la religion par quelque chose dont on ne savait rien. Ça, c'était vraiment le moteur. Maintenant, après la dissertation, je vous la concède. Pourquoi Rousseau est... Voilà. Pourquoi Rousseau est fascisant, justement, à l'époque, à l'époque de Rousseau, il y a une interprétation psychique et philosophique de la nature. Mais monsieur a soulevé bien des paramètres que monsieur Rousseau n'a pas du tout intégrés. C'était l'homme centre du monde. L'homme centre du monde qui peut agir sur son monde, créer lois et propos. C'est le monsieur Rousseau en personne. Aujourd'hui, la nature, la science, nous apporte des tas d'informations, des tas de concepts, des tas de conceptions nouvelles qui nous amènent à réfléchir. Et j'aimerais bien revenir à cette fondamentale question. Est-ce que c'est l'homme qui est au service de l'économie ou l'économie qui est au service de l'homme? C'est basique. N'hésitez pas, hein, ceux qui n'ont pas pris la parole, vous faites un signe, hein, c'est un débat général, donc allez-y. Oui, je voulais juste aggraver mon cas. Que si l'homme était naturel, l'art n'existerait pas. Et une autre chose pour aggraver encore mon aggravement, je vous aime. Ça, c'est pas naturel. Voilà. D'accord. Oui. À la fin de votre propos, vous disiez, la question centrale, c'est est-ce que l'homme est au service de l'économie ou est-ce que c'est l'inverse ? Eh bien, précisément, là encore Rousseau, au moment de l'émergence de l'économie politique, qui nous vient d'Adam Smith, de Bernard de Mandeville, Rousseau est le premier parmi les Lumières, et contre les encyclopédistes, contre Diderot, contre Tocqueville, contre Condorcet, à dire non, c'est pas l'économie, c'est le politique doit être au-dessus de l'économie. Donc l'homme, la volonté générale, doit être au-dessus de la loi économique. Ce que conteste justement la théorie du marché et l'économie politique. Donc Rousseau est le premier des penseurs des Lumières à avoir défendu votre idée selon laquelle c'est pas l'économie qui doit être c'est pas l'homme qui doit être au service de l'économie, mais c'est l'économie qui doit être au service de l'intérêt général. Je pense que de toute façon on ne peut pas dire l'homme est au service de l'économie, parce que l'économie en tant qu'entité prenant des décisions et étant vraiment existence, ça n'existe pas. Enfin, l'économie en soi, c'est des personnes qui la font. Donc, soit certaines personnes qui font l'économie mettent les autres à leur service, mais dire l'homme est au service de l'économie, ça veut dire c'est qui l'économie ? C'est Dieu ? Enfin, c'est une nouvelle fiction à laquelle il faudrait se soumettre. Et tout à fait d'ailleurs, parce que Rousseau, par rapport à l'état de nature, c'est une fiction qu'il a créée, il le dit lui-même. Donc, ce qui est assez intéressant dans ses propos, c'est que même la volonté générale, c'est une fiction. C'est quelque chose qui n'a pas d'entité en soi. Ça n'existe pas, c'est même de l'ordre de l'impossible. Par contre, et là où c'est très intéressant, c'est qu'en fonctionnant, en utilisant ce type de fiction, là on rentre dans la croyance, de toute façon on fonctionne tous sur des croyances, hein. L'économie elle-même, voilà. Dans la question est-ce que l'homme est au service de l'économie, l'économie là c'est une croyance totale, on se dit mais quel est ce nouveau dieu ? Et bien là typiquement, la volonté générale, c'est une forme de nouveau dieu, où on pourrait se dire, comme on y croit qu'elle puisse exister, on va essayer de la mettre en place. Et c'est à ce moment-là qu'elle va pouvoir avoir une sorte de réalité, au moins, je sais pas, dans les urnes ou d'une autre façon. Elle pourra avoir une réalité à partir du moment où on y croit. Mais dans tous les cas, c'est une fiction. Et tout ça, ça reste de toute façon, on fonctionne que sur des fictions. Enfin, je veux dire, faut quand même se poser la question, qu'est-ce qui fait qu'on fait tous société ? C'est pas l'administration, hein. C'est pas l'administration, c'est pas les gens qui sont à l'Élysée, c'est pas les médias non plus, même s'ils y participent fortement à la fiction généralisée. C'est parce que on a été dedans depuis le début et qu'on y croit. On y croit que la société existe, mais la société en soi, ça n'existe pas. C'est la croyance en chacun, en cette société, qui fait qu'on y participe. Mais bon, c'est un peu dangereux comme type de propos, mais... Non, voilà, et puis je m'en vais trop loin sur la question de la propriété, mais... Est-ce que quelqu'un veut continuer à divaguer avec nous ? Je suis expert en divagation. Je vais dire la société, c'est les CRS. Bah oui, mais surtout quand tu prends un coup de matraque, tu y crois. Et je voulais revenir sur l'art et l'amour, parce que c'est embêtant de parler d'amour, parce que c'est ce qu'on appelle un mot valise, chacun y met ce qu'il veut. Mais ce qui est important dans le débat, c'est-à-dire déjà, si on fonctionnait à partir des sentiments, que l'amour est un des sentiments, dire... Maintenant, on nous oblige à fonctionner avec l'égoïsme. Alors on dit, mais pourquoi pas fonctionner avec l'amour ? C'est un autre sentiment pareil. Hein. Simplement que bon, l'égoïsme, ça fait 100 ans qu'il existe, on voit que ça ne marche pas, on pourrait essayer autre chose. Et l'amour, c'est un truc intéressant, c'est dans le sens où ça oblige à avoir une volonté personnelle. C'est-à-dire, je peux dire, je sais pas, j'aime ma voiture, j'aime le soleil, j'aime ma femme... C'est toujours de l'amour, mais c'est complètement différent. C'est pas du tout la même chose, parce que c'est une relation de confiance qui est différente. Et c'est ma volonté d'aimer d'une certaine manière, la volonté de la personne de recevoir ou pas cet amour, et réciproquement, qui fait qu'on va vivre une certaine relation. Et dans ce genre de relation, il n'y a pas besoin de règles, il n'y a pas besoin de droit, il n'y a pas besoin de justice. Il y a un sentiment de justice, mais il n'y a pas besoin de juge, ni de CRS, ni de flics, etc. Il y a besoin d'une volonté d'aimer, ça oui. Comme d'habitude, je ne suis pas d'accord avec toi. Alors, très franchement, de dire que le fait d'aimer dépend d'une volonté, là je me dis, peut-être que ça peut rentrer dans derrière, mais à la base, quand justement... Et là, ce qui est intéressant avec l'amour, c'est que ça peut passer derrière par des représentations, etc., mais là, je me le mettrais plus de l'ordre du désir. L'amour, ça passe par le corps. Enfin, je veux dire, par le corps, pas dans le sens du désir corporel, du désir sexuel. Ça passe par le corps, ou je sais pas ce qu'on appelle... Je sais plus où j'ai entendu ça il y a pas longtemps, ça m'a fait rire, les papillons dans le ventre. Non, c'est très drôle, en même temps, c'est assez représentatif de quelque chose qui peut se passer quand on ressent de l'amour. Et donc là, il y a quelque chose, mais où est la volonté là-dedans quand on ressent ça? Au contraire, la volonté, ça va être soit je vais contre, soit bah, ça se passe, et puis de toute façon, je peux rien faire contre. En général, même quand on va contre, ça change rien au fait. Mais ce qui est assez intéressant, par contre, et là, je reprends sur la question de la propriété, parce que là, amour et propriété, il y a quand même quelque chose là, dans notre société, qui est assez intéressant et qui est aussi en mode de transformation. Et je pense qu'on imagine plus que ça se transforme que ça ne se transforme réellement. Parce que ce rapport de... Là, c'est le rapport de propriété au corps de l'autre. On en parlait dans le thème du salariat, mais on peut aussi en parler dans le thème du rapport entre deux personnes. Ce rapport de propriété. Et justement, ce qui est intéressant, point sur lequel peut-être je suis d'accord avec ce que tu as dit, c'est que là où se pose la volonté, justement... Dans l'amour, je pense que le fait d'aimer ou de ne pas aimer, il n'y a aucune volonté là-dedans. Par contre, là où peut se poser la volonté, c'est l'amour que tu ressens pour quelqu'un, qu'il soit ou non réciproque. Bon, là, quand on disait l'amour est toujours réciproque, c'est un truc que j'ai jamais compris pourquoi il disait ça. Je pense que c'est par rapport au transfert, mais bref. Mais c'est pas le même amour. Enfin, il parle pas du même amour. Mais puis, je divague encore. Mais ce qui est intéressant par rapport à, justement, cette question de volonté et d'amour, c'est que si l'amour existe tel quel, voilà, au niveau du corps, par contre... La volonté va se poser sur ce n'est pas pour autant que je ressens ça par rapport à l'autre que son corps, je suis propriétaire de son corps. Et là, il y a une volonté qui doit être posée. Alors, la question que. J'arrête pas de poser des questions, mais. Ce qui m'interroge là-dedans, c'est est-ce que justement, c'est parce qu'on a eu ce rapport de propriété inculqué qui fait qu'on doit maintenant lutter contre ? C'est-à-dire, est-ce que le fait d'aimer quelqu'un nous fait nous dire. Bon, ouais, mais enfin, quand même, je ne suis pas propriétaire de son corps, il faut que je lui laisse sa liberté. Est-ce que, en fait, la volonté là-dedans, c'est de se couper de cette propriété qui serait, donc là, on va reprendre la question du naturel, enfin, qui viendrait comme ça, lié à l'amour? En fait, je ne pense pas. Je pense que le fait d'aimer quelqu'un n'a rien à voir avec la propriété. Par contre, par le mariage, par énormément de choses, on a été habitué à penser amour et propriété comme étant corrélés, ce qui fait que maintenant, on est obligé de lutter contre. Pour aller vers une idée de relation plus libre, déjà, ou tout simplement de liberté de l'autre. Et bon, là, il y a toutes les questions de l'amour passionnel aussi là-dedans, et qui n'est pas tout à fait dans le même rapport de propriété d'ailleurs, mais je ne veux pas être trop longue. Je ne sais pas s'il y a d'autres. J'arrive à ramener des trucs à la propriété quand même, vous remarquez que. S'il n'y a pas d'attirance, il n'y a pas d'amour. Qu'est-ce que l'attirance ? L'attirance, c'est. Je ne sais pas comment vous expliquer, c'est. Ouais, c'est, admettons, on peut être attiré au niveau des yeux, suite à une personne, comme ça, on apprécie une personne, et après on peut s'approcher par rapport à la personne. Par rapport, si on est homosexuel, donc on va être attiré par l'homme, donc ça peut aller encore plus loin. Si on est hétéro, comme moi je suis hétéro, donc on va être attiré par cette femme, et cette femme aussi, c'est réciproque, il faut qu'elle soit aussi attirée par... Et là, ça fait un coup de foudre. C'est pour ça qu'on dit un coup de foudre. Et c'est ça qui fait que l'amour existe après, par la suite, avec le temps. Parce qu'au début, il y a une question de confiance. C'est une question de confiance de l'autre. Et avec le temps, l'amour devient de plus en plus fort. Et c'est là qu'on finit par s'aimer. Et voilà. C'est ça. N'hésitez pas à faire un signe, je vous passe le micro. Hein. Oui, sur l'amour, alors avant de revenir à Rousseau, bon, l'amour, justement, il y a deux théories de l'amour, on va dire. Il y a la théorie matérialiste, qu'on trouve chez Schopenhauer, qui dit mais l'amour c'est quoi ? Bah, l'amour, c'est un piège de la nature. C'est un piège que la nature nous tend pour nous inciter à nous reproduire et à perpétuer l'espèce. Ça, c'est la vision matérialiste de Schopenhauer. Et Rousseau, lui, là encore Rousseau, dit non. Non, justement, d'où son déisme. C'est-à-dire que Rousseau, un peu comme Saint-Augustin, il distingue deux... Alors, Saint-Augustin dit, dans la cité des hommes, la cité des dieux, il y a deux cités. Il y a la cité dans laquelle l'homme... Où il y a l'amour de l'homme jusqu'au mépris de Dieu, ou l'amour et la cité de Dieu, où il y a l'amour de Dieu jusqu'au mépris de l'homme. Et Rousseau va remplacer Dieu par l'intérêt général. Et pour lui, justement, la vertu, c'est ça. C'est l'amour du bien commun avance au mépris de son propre bien personnel. Et sur la question de l'art, Rousseau, justement, et là j'en viens à son déisme, pour lui le grand être, enfin pas le grand être, l'être suprême, c'est le principe créateur de la nature qui nous est livré, et nous, en tant qu'humains et par la volonté, on peut transformer cette nature, on peut participer. Et par exemple, on pourrait comparer le chant des oiseaux, le chant des cygnes, qui serait une œuvre d'art naturelle, et puis une symphonie de Mozart, qui serait une œuvre d'art humaine. Mais on voit, mais il y a un point commun entre les deux, c'est le principe créateur. Ce fameux principe créateur qui est le même. Sauf que nous, en tant qu'humains, on peut créer aussi de façon naturelle de l'art. Enfin, donc tout ça pour dire que Rousseau a pensé toutes ces choses-là. Et par rapport à l'amour, justement, tout à l'heure on disait l'économie, c'est une abstraction. Mais les Grecs étaient beaucoup plus en avance que nous, parce qu'ils découpaient l'amour en quatre. Il y avait Eros, qui était l'amour sensuel, érotique. Il y avait Philia, qui était l'amitié. Il y avait Storgue, qui était l'amour de la famille, l'amour des enfants, etc., etc. Donc tout ça pour dire que l'amour... comment ? Alors, Adocès de Thrace est un grand philosophe grec, moins connu que Platon et que forcément Socrate, les stoïciens et tout ce que vous voulez. Mais il a écrit une phrase en réponse à Socrate. Cher ami, protégez-moi du bonheur, cela rend idiot. Je voulais juste dire par rapport au signe et à l'auteur, enfin à Mozart, il y a quand même une grande nuance, c'est qu'il y en a un là-dedans qui revendique un nom et pas l'autre. Et c'est ça, la grande nuance. D'où, toujours, je reviens à la propriété, je tiens à garder le cadre de l'autre. Non, je rigole, mais... Il y avait juste le monsieur avant, et puis après je vous passe le micro. Oui, on parle d'amour. Alors quand on se rencontre, il y en a qui parlent de coup de foudre et de rencontre, mais qu'on se marie ou qu'on se marie pas, il y a un lien. Alors il y a le lien de l'alliance si on est marié ou pas, mais on est plus ou moins propriétaire. On est plus ou moins propriétaire de l'autre parce que on est attaché à l'autre. Et si on veut se détacher, faut divorcer. Si on vit ensemble, c'est pas plus évident non plus. Et quand on a un chien, l'amour de son chien, on est le maître du chien. Alors le chien est notre esclave. Le chien est soumis. Donc on est le propriétaire du chien, comme on est le propriétaire de son jardin. Les fleurs sont nos possessions. Bon, je cite pas les grands philosophes, je cite que ce qui vient de moi. Des fois, on croit qu'on aime une personne, alors que c'est platonique. C'est l'amour platonique. C'est pas l'amour, parce que tant qu'il n'y a pas d'attirance, il ne faut pas avoir d'amour. Parce qu'on peut aimer une personne, mais c'est platonique simplement. Comme aimer son enfant, c'est platonique. Et l'amour par attirance, ça c'est autre chose. Il y a deux, c'est ça que je voulais dire. Il y a deux, il faut pas confondre. Il y a des gens qui croient qu'ils s'aiment, vrai, mais c'est juste platonique. Ils sont pas faits pour le mariage. Voilà. Oui, après, je pense que les gens ne peuvent pas savoir à la place des autres s'ils s'aiment ou pas. Mais sur la question de l'amour platonique, on peut tomber amoureux de l'esprit de quelqu'un, en effet. Et tomber amoureux de l'esprit de quelqu'un, je vois pas en quoi ce n'est pas de l'amour. Et la question du... Parce que ce que tu poses, c'est notamment la question du rapport sexuel, d'une certaine attirance physique. Je pense que tu peux aussi avoir une attirance physique très très forte envers une personne, et ça peut durer très longtemps, sans pourtant ressentir de l'amour. Et ce qui est très intéressant avec ce que tu as dit... Et tu l'as mis sous la forme de la propriété. Alors du coup, ça m'ennuie un petit peu, mais moi je me demande si, enfin, tu as dit voilà, quand il y a un lien, en tout cas avec une autre personne. Et du coup, c'est là où il y a toujours aussi ce danger qu'on n'a pas abordé encore entre propriété et protection. C'est-à-dire quand tu es affecté par quelqu'un qui t'affecte, enfin tu es affecté et tu l'affectes également, il y a un certain rapport de soin, j'ai envie de dire. Mais la nuance entre prendre soin de l'autre et en être propriétaire, des fois, est très limite. Et ça va avec aussi, mais alors là, le rapport du salariat, c'est aussi là-dedans, le rapport de l'homme politique par rapport à son peuple, etc., c'est « je sais ce qui est bon pour toi ». Et ce « penser le bien à la place de l'autre », c'est là la limite très dangereuse entre prendre soin de l'autre et être propriétaire de l'autre. Parce que considérer que son propre ressenti n'est pas le bon, parce qu'on pense mieux pour l'autre. Et là, il y a danger. Mais, enfin, voilà. Oui. La notion de famille, qui est avant tout un fait sociétal qui date depuis les Égyptiens, les civilisations les plus antiques. Ça permettait de gérer le groupe d'une façon numérique, avec aussi un positionnement culturel, c'est-à-dire on ne recherche pas l'affect dans le mariage, mais simplement de pouvoir gérer une société. Ceci dit, en France, au Moyen-Âge, on ne parlait pas en termes de famille, on parlait en termes de feu. C'est-à-dire un feu correspondait à un nombre de personnes qui correspondait à une surface agraire. Tout ça, c'était avant tout un ordre social, mais numérique. C'est vraiment la définition du mariage, c'est un ordre social numérisé et numérisable. C'est-à-dire, j'ai 20 familles, 30 familles, je suis plus fort que celui qui en a, qui a plus faible ou plus fort, peu importe, que celui qui en a 30 ou 50. C'est vraiment un positionnement très fort dans la société européenne et submaghrébène, etc., peu importe. Mais c'est vraiment penser que le mariage est avant tout un phénomène social et non pas un phénomène naturel au sens où Rousseau aurait pu le développer. Ça, c'est quelque chose que Rousseau et moi, on ne sera jamais d'accord là-dessus. Mais ça, je vous montrerai les textes. Alors moi, ce sera juste une petite boutade. La comparaison entre le signe et Mozart, ton philosophe, il a juste jamais entendu des signes chanter. Hein, et donc, je remets en doute un peu sa capacité à réfléchir là-dessus, parce que franchement, c'est une boutade. En plus, le signe, lui, marque son territoire. Comparer les deux choses, c'est comparer deux choses qui n'ont rien à voir. Le signe, lui, marque son territoire. Il ne fait que dire, elle est femelle, restez là, ça c'est mon étang, alors que Mozart cherchait le beau. C'est pas la même logique. Bonjour, mais je voudrais juste revenir d'un mot sur quelque chose qui a été dit tout à l'heure, sur le fait, par exemple, est-ce que la société existe ou pas, est-ce que l'intérêt général existe ou pas, est-ce que l'économie existe ou pas, et de là on peut parler de toutes les notions en fait qu'on peut être amené à manipuler. Notre devise par exemple, liberté, égalité, fraternité, est-ce que la liberté existe, est-ce que... Moi je pense simplement que toutes ces notions-là ne sont que des modèles, et donc il faut y penser en termes d'asymptotes. C'est quelque chose qu'on tend, on essaie de tendre vers. L'égalité n'existera jamais, c'est une notion, on essaie de tendre vers l'égalité le plus possible. Alors il y a des mouvements qui essaient d'aller plus vers et d'autres qui essaient de restreindre un peu plus pour divers intérêts, la fraternité c'est pareil, etc. Donc c'était juste une petite réflexion là-dessus. Au-delà de ça, sur l'éducation populaire carrément en elle-même, sur tous ces mouvements-là, qui de prime abord sont vraiment très, très agréables, très sympathiques, et pas que de prime abord d'ailleurs, en soi ils sont agréables, mais posent la question du groupe et de la dynamique du groupe et du fonctionnement du groupe. À partir de quel moment je fais quelque chose ensemble, à partir de quel moment je continue d'être libre, et à partir de quel moment je deviens aliéné par le groupe. Et ça, à mon avis, c'est une des questions fondamentales que l'humain n'a pas encore réussi à gérer, je pense. Hein. Quels que soient les exemples auxquels on puisse penser, l'URSS, le système qui s'est effondré, enfin ce qu'on essaie d'établir en France, la gauche qui devient de la gauche caviar, etc. Je crois que tout ça est quand même très compliqué, parce que la notion de travailler en groupe avec des sentiments purs est une notion très très complexe et très difficile à maintenir. Disons que il y a une notion de stabilité là-dedans qui est difficile à maintenir. Je veux bien revenir sur la question de la propriété pour faire une sorte de petite généalogie de la propriété. Avant la Révolution, sous l'Ancien Régime, on était dans un système féodal où les terres appartenaient à des grandes familles, des grands rois, des monarques, etc. Ensuite, avec la Révolution libérale de Locke, justement, on va donc casser cette logique-là de propriété de droit divin, etc. Et on va dire que la propriété repose sur le travail. Donc celui qui travaille une terre, eh ben cette terre, c'est à lui. Donc ce qui légitime la propriété, c'est le travail. Et donc là, on rentre dans la modernité, c'est encore le cas aujourd'hui. Hein. À partir de là, il y a deux écueils, je pense, qu'il faut éviter. D'une part, il y a la liberté de propriété absolue. C'est l'idée, justement, que c'est le libéralisme. C'est la propriété est sacrée. Et elle peut même aller jusqu'à la négation de l'autre, hein, où l'autre est réduit à l'état d'objet, d'esclave, etc. Et puis l'autre, c'est le communisme, où on dit la propriété est collective. Donc tout appartient à tout le monde. Et Rousseau, là encore, aujourd'hui je vous parle de lui, il propose une voie du milieu, il préfère lui des petits propriétaires. Donc il garde l'idée d'amour de soi, de conservation de soi, et d'avoir chacun son, qu'on soit tous des petits propriétaires. Voilà. C'est une voie du milieu entre d'un côté le communisme et de l'autre côté l'ultralibéralisme. Et alors, après, il y a l'autre option qui pour moi est la plus grandiose, un peu l'hypothèse indienne, qui veut dire qu'en fait, il n'y a pas de propriété en fait. C'est-à-dire que la terre n'appartient ni à tout le monde, ni à une personne, mais elle s'appartient à elle-même. Voilà. Mais ça, je pense que pour en arriver là, il faudrait justement un niveau de vertu dont on est loin aujourd'hui. En fait, non, je réagis juste parce que je me souviens qu'on avait dit, lors d'un atelier où on avait voulu reprendre toutes ces choses, un peu comme la liberté s'arrête là où commençait de l'autre, on avait mis tout ça en mode concret, et on s'était dit, en fait, la conservation de soi s'arrête là où commence la conservation de l'autre. Et ça, tout de suite, est beaucoup plus concret sur la réalité de la survie, des besoins de chacun. Et on pensait en termes de liberté, enfin, ça peut être noyé à toutes les sauces, hein, la liberté de l'un s'arrête là où commence celle des autres. Par contre, de poser comme règle fondamentale, la conservation de soi s'arrête là où commence celle des autres, bah demain, vous n'avez pas des personnes qui prennent des cafés à 2,50€ en terrasse avec quelqu'un à côté qui est en train de demander 10 centimes parce qu'il a rien à bouffer. Là, déjà, ça, c'est pas possible. Et de le mettre en place, de le légaliser comme quelque chose d'obligatoire, en fait, ça me repose la question du droit qu'on a interrogé tout à l'heure sur pourquoi est-ce qu'il y a besoin de légaliser, pourquoi est-ce que tout ça. Parce qu'en même temps, le droit façonne des comportements, par les obligations, enfin par les devoirs et par les droits, ça façonne des comportements à partir desquels les personnes vont ensuite être capables de, soit de le faire de façon, qu'est-ce que je veux dire, pas de façon autonome, mais sans y réfléchir, de façon spontanée, voilà. Parce que du coup, ça aura été inculqué dans leur façon de penser. Et peut-être que c'est en fait le rôle du droit de façonner des comportements qui vont vers un mieux-être ensemble. Peut-être que déjà de penser le droit à partir de cette base-là, ça transforme un petit peu sa conception et son rôle. Non, je m'enflamme encore. Est-ce que quelqu'un souhaite réagir sur... Oui ? Juste un petit truc, tu parlais des régimes féodaux à l'époque où on avait des grandes familles qui possédaient des grandes étacs de terre, des seigneurs, etc. Et ensuite tu parlais de modernité avec donc la propriété qui vient du travail. Donc effectivement on a des agriculteurs qui possèdent leurs terres et qui produisent du coup leurs terres. Donc toujours un usus, abusus, fructus. Enfin à ceci près que moi j'ai l'impression qu'il y a plus une transformation, mais qu'on est toujours finalement dans plus ou moins un régime féodal, à ceci près que les hectares de terre possédés par des familles, aujourd'hui c'est plus des hectares de terre, c'est des entreprises. Je pense à Bolloré, je pense à Bouygues, je pense à Bernard Arnault, ou je pense encore une fois à tous ces chers petits, enfin ces chers grands actionnaires, parce que les petits actionnaires tout le monde s'en fout, ces chers grands actionnaires qui possèdent, donc qui sont des grandes familles. Petit point, du coup je vais pouvoir parler d'EuropaCity rapidement pour ceux qui connaissent pas. Je suis désolé. Je pense par exemple à la famille Mullier. Donc la famille Mullier, pour ceux qui ne savent pas, c'est la famille qui possède entre autres Auchan. Ils sont 600, ils gagnent un pognon monstre. Encore petit aparté, ils payent 1% d'impôt en moyenne sur les 600. Et sur la question de la possession des terres, donc eux, ils sont une grande dynastie propriétaire donc de Auchan, de Decathlon et d'autres grandes marques. Et donc ils ont ce projet d'EuropaCity. EuropaCity, c'est un projet de grand centre commercial en périphérie de Paris, avec un centre aquatique et une piste de ski sur des terres agricoles, c'est-à-dire donc sur des terres qui sont actuellement possédées par des agriculteurs. Le seul truc, c'est que ces agriculteurs, petit à petit, ne sont plus propriétaires de leurs terres parce qu'il y a une question d'intérêt public sur ce projet et ils se font exproprier mètre carré par mètre carré, petit à petit, pour cet intérêt finalement soi-disant général qui est donc ce projet d'EuropaCity. Donc voilà, je voulais juste en parler du coup parce que ça reprend un petit peu ce que tu disais, mais on a toujours ce régime alors il est pas féodal au sens où on l'entendait à l'époque, mais on a toujours ces grandes familles qui sont tout en haut et le reste du peuple qui est tout en bas. Et malgré qu'on ait des gens qui possèdent des choses, ils peuvent se faire exproprier, ils peuvent perdre la propriété de ce qu'ils ont parce que nos grands seigneurs en ont décidé ainsi. Oh, je vous ai cassé le moral là ou... Non, je voulais juste réagir deux secondes sur un truc que je viens de percevoir, qui est de l'ordre de l'autocensure en fait. Et je pensais à peut-être la façon dont on limite soi-même son droit en fait à penser. C'est, en fait, je réagis là-dessus parce que je me suis rendu compte que j'ai dit deux, trois fois « oui, je suis en train de m'enflammer, oui, je suis en train de... » Et pourquoi est-ce que j'ai besoin de rajouter ça au moment où je pars dans un certain développement qui quoi en fait. Donc là, la question que je pose, c'est de quelle façon est-ce qu'on peut s'auto-censurer quand on commence à penser d'une certaine façon et comme s'il fallait à un moment une certaine limite en fait. Et ce rapport à la pensée, à ce qui peut être dit en public, ne pas être dit en public, ce qui sort des codes en fait habituels, je pense qu'il y a, enfin il me semble qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont censurées en interne, je veux dire, soit par rapport à soi. Et du coup, je ne sais pas si ça évoque certaines choses pour vous, mais il me semble que ça fait aussi partie justement des limites qui sont imposées sur les comportements habituels, les choses qu'on a l'habitude d'échanger ensemble et le moment où ça déborde. Et je veux juste donner un exemple. C'est hier, on a accueilli quelqu'un qui est en train de vouloir mettre en place une révolution non violente à la Villette. Et qui a un projet, on pourrait dire, un peu pharaonique de réunir 40 000 personnes. Et face à ça, il y a plein de personnes qui réagissent en disant « Non mais on va pas relayer son initiative parce que là, c'est n'importe quoi. » Et donc on va perdre notre crédibilité en relayant son initiative. Bon, c'est à quoi moi j'avais répondu. De toute façon, il n'y a que les gens qui sont fous qui font avancer le monde. Mais là où ça pose du coup une autre question, c'est est-ce qu'on est obligé justement, enfin même pas est-ce qu'on est obligé, de quelle façon peut-on s'autoriser à sortir des codes pour exposer quelque chose sans se risquer au ridicule? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut tout de suite se dire, bah, c'est pas grave, je passerai pour ridicule tout le temps? Enfin, ce rapport entre ce qui est autorisé, en fait, et là, c'est pas une question de loi, de droit, hein, c'est vraiment de l'autorisation personnelle et de la perception de la part des autres. Et je pense qu'il y a une limite qui est très forte qui est posée là-dessus, et peut-être que ça... Je pense pas que ça rejoigne la morale, mais ça rejoint en tout cas plutôt quelque chose qui est de l'ordre du... Ça n'existe pas, ça ne se dit pas. Enfin, je sais pas, quelque chose de plus caché. J'ai même pas le mot pour le définir, mais tu voulais réagir. Tu voulais aussi. Lui d'abord. Il a dit lui d'abord. Bah, ça montre combien cette question que tu viens de te poser, c'est pourquoi tu t'arrêtes dans ta réflexion. Parce que je pense qu'en très grande partie, on est tous issus du même conditionnement social, du même conditionnement moral, qui nous a appris depuis qu'on est tout petit qu'il y a des choses qui ne se disent pas, qu'il y a des choses qu'on ne pense pas. Et donc, quand on arrive à développer une réflexion qui va au-delà de cette limite, à un moment donné, je peux pas dire ça ou je sors du cadre. Et en fait, c'est bête, parce que c'est ce qu'on essaye de faire sur la place, c'est sortir du cadre et penser autrement. Et donc, il y a déjà un gros travail à faire sur nous pour être capable de passer le cap et d'oser aller à la penser autrement, quoi. En fait, on a du boulot. Et je répète, n'hésitez pas, si vous voulez prendre la parole, sortir du cadre, rentrer sous la bâche aussi, enfin, faites ce que vous voulez. Oui, mais je crois que quand je parle de confiance et je parle d'amour en public, je sors pas mal du cadre permis, et je me permets de le faire, parce que c'est... C'est un mot, pour moi c'est un mot important, alors je ne vois pas pourquoi je ne le dirais pas. Et surtout, c'est, il semble que on est schizophrène, pour employer un grand mot. C'est-à-dire que dans un débat, on a le droit de parler de choses intelligentes, rationnelles, il faut justifier ce qu'on dit, etc. Et donc on ne peut pas parler des sentiments, parce que les sentiments c'est subjectif. Ni des émotions, surtout pas parler des émotions, parce que... ça nous trahit, ça nous met en difficulté, et quelqu'un qui veut rester rationnel par rapport à quelqu'un d'autre qui trahit ses émotions, il peut dominer. Voilà, c'est facile de dominer quelqu'un qui se laisse prendre par ses émotions. Donc pour nous, c'est considéré comme un risque de déjà d'être ému. Il ne faut pas le faire voir si on a envie de pleurer, si on a envie de rire. Oui, un petit peu, mais pas trop. Et en plus, il ne faut pas en parler. Mais à partir de là, je crois qu'il y a aussi qu'on n'a pas le langage qu'il faut pour parler de nos émotions et de nos sentiments. Parce que justement, on n'a pas le droit d'en parler. Et surtout pas à l'école, par exemple, ou après, ou en entreprise, ou même en famille. À la limite, dans une relation de couple, mais c'est... Là, on parle plus avec le corps qu'avec l'esprit. Je fais juste un petit point technique, parce qu'on a à peu près encore 10 minutes de débat, parce qu'on a la chance d'accueillir aujourd'hui deux personnes qui vont nous faire de la musique et des chants. Donc, surtout, je vous invite à rester après. Et voilà, on continue à peu près 10 minutes, et puis ensuite, on va s'arrêter pour mettre en place du coup la logistique pour la suite. Alors, il y avait monsieur, les personnes là, oui. Non, ça va pas être long. Quand on prend la parole, alors, il y a des gens qui ont la parole plus facile ou qui arrivent beaucoup mieux à s'exprimer que les autres. Et quand on prend la parole, est-ce qu'on est propriétaire de la parole? Est-ce qu'on la possède? Ou est-ce que quand on la prend presque pas ou on la prend de temps en temps, on est locataire de la parole? Bon bah ça fait un peu bizarre de parler devant ces adultes, mais en gros je voulais juste dire par rapport au système scolaire, cette société, les gens en fait toujours à se, comment dire, je vais pas divaguer non plus, mais en gros mes réelles ambitions en fait je trouve plus tard, en fait elles paraissent un peu comment dire, irréalistes, parce que on nous pousse toujours à la perfection, à se dépasser, à se démontrer, à quel meilleur job, qui gagne autant, qui gagne plus. Si tu fais tel métier, on te regarde comme ça. Si tu fais un métier, waouh, on t'admire ou je sais pas quoi. Je me disais plus tard, moi en fait, j'aimerais plutôt faire des choses concrètes. Parce qu'on vit dans... Je sais pas, on est trop divagué. Mais en gros, moi je me disais, mon rêve en fait, ce serait plutôt de voyager un peu partout, être un peu nomade, je t'avais dit, de vivre de lecture, de rien, de nature. Et après, la société nous contraint un peu. On va te dire, mais tu fais quel métier? Rien. Ok. Bon, ça c'était pour dire, est-ce qu'on a le droit de sortir du cadre, par exemple? Et du coup, moi, par rapport à ce que tu viens de dire, la question que je voulais te poser, c'est quand tu dis on nous oblige à nous dépasser, mais en fait c'est pas à nous dépasser pour nous trouver nous-mêmes, c'est à nous dépasser pour des objectifs qui auraient été fixés par d'autres. Est-ce que c'est ça ou... Enfin, c'est pas se dépasser par rapport à soi-même, parce que ça c'est excellent en soi, mais toujours se dépasser par rapport à un niveau donné, un objectif donné qui paraît atteignable, enfin inatteignable plutôt, enfin voilà quoi. C'est la société de concurrence, voilà. De tout le monde contre tout le monde, qu'a bien expliqué un certain penseur connu en ce moment. Et je voulais juste réagir sur ce que tu as dit. Par rapport à est-ce qu'on est propriétaire de la parole. Alors et ça je pense que c'est vraiment ça existe certainement ailleurs, mais quelque chose qu'on a expérimenté ici à Debout Éducation Populaire, qui est qu'on s'est retrouvé des fois je me suis retrouvé des fois à dire des choses que je n'avais pas pensé avant de les dire. Je les ai dites parce que j'ai perçu à ce moment-là des choses qui se disaient, ça m'a fait prendre la parole pour dire des trucs, et en fait je les avais même pas pensé avant. Et là typiquement je ne suis pas propriétaire de ma parole. Ma parole a émergé par rapport à la parole des autres. Et même les idées à ce moment-là que j'ai pu développer n'étaient pas mes idées, c'était des idées issues du dialogue qui était en place. Et même pour la petite anecdote, mais là c'est juste drôle, c'est que des fois quand j'ai réécouté dans les enregistrements, je ne me souvenais pas d'avoir dit ce que j'avais dit. Et pour moi, ça ne sortait pas de ma propre pensée, parce que c'était pas des choses que j'avais pré-pensées, justement. C'était des choses qui arrivaient à ce moment-là. Donc voilà, c'était juste pour réagir sur la question, est-on propriétaire de sa propre parole, et puis même de sa propre pensée, en fait. Même pas que de sa parole. Non, je crois que tu voulais... Oui ? Non, par rapport au projet d'Europa City de tout à l'heure et du féodalisme, oui. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on revient vers le féodalisme, c'est évident, D'ailleurs, déjà à l'époque de la Révolution française, il y avait d'un côté ce qu'on appelait les montagnards qui voulaient une démocratie sociale, il y avait les Girondins qui voulaient déjà une démocratie bourgeoise à l'anglaise. Et Robespierre disait, vous voulez faire une aristocratie des riches, c'est la pire. Ben aujourd'hui, on y est, quoi. Je veux dire, donc c'est ce que tu dis, c'est tout à fait juste. Et moi, j'irais même plus loin. Je pense qu'aujourd'hui, on assiste à un retour au féodalisme complet. Et moi, je le vois par rapport à la structure politique de l'Ancien Régime. Sous l'Ancien Régime, il y avait la noblesse, le tiers-État et, les religieux, et le clergé. Hein. Donc, après, donc, il y a eu la Révolution française, ce qui a donné l'Assemblée nationale, où il y avait les paysans, les hébertis, enfin, il y avait à peu près tout le monde était représenté, on va dire. Et ben aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai l'impression qu'on est revenu sous l'Ancien Régime. On a, on va dire, l'équivalent de la noblesse, qui est tout simplement la bourgeoisie, et donc les muliaises, les fameux milliardaires, les 10 qui possèdent tout, quoi, on va dire. Et puis, de l'autre côté, on a le nouveau clergé, qui sont les politiciens, et qui sont propriétaires de la parole publique. Ça, c'est très important, parce que du coup, ils s'approprient, ils dépossèdent les citoyens de l'usage de la parole, ce qui est un attribut fondamental en démocratie, et ils disent « la parole est à nous, nous sommes vos représentants », et d'ailleurs, c'est ce que disait Seyès, les citoyens n'ont pas le droit de parler. Ils ne peuvent exprimer leur opinion que par la médiation de leurs représentants. Et donc là, ce que tu poses comme question de propriété, c'est fondamental. Fondamental. Et donc, du coup, le tiers-État qui existait sous l'Ancien Régime, aujourd'hui, il n'y a plus de tiers-État, en fait. T'as juste t'as une noblesse, t'as un nouveau clergé, et le tiers-État a disparu. Donc, je dirais même qu'on est encore en dessous de ce qu'était l'Ancien Régime. Bon, du coup, je vais prendre les derniers tours de parole. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent interagir sur ce qui vient d'être dit Par rapport à la société qu'on vit là actuellement, c'est une question de confiance en fait. Tu es cette personne, donc toi on te fera confiance parce que tu es telle personne. Mais des fois, on n'est pas tout à fait d'accord avec cette personne parce que chacun vit dans son monde. Chacun a son petit monde. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas... C'est un peu compliqué, donc voilà. C'est pour ça qu'après, il y a des lois qui sont là pour dire que c'est comme ça, mais on n'est pas forcément d'accord avec ces lois. Donc voilà, et c'est pour ça que je reviens à un monsieur, là, qui disait que chacun vit chacun vivra dans son petit groupe, séparément. Et qui fait un petit peu, je ne sais pas comment m'exprimer, j'arrive pas à trouver le mot, qui fait un petit peu une division dans la société. C'est une société qui est divisée en plusieurs morceaux. Parce que chacun va se retrouver sur certains groupes. C'est pour ça qu'il y a autant de divisions. Il y a des gens, admettons, il y a des personnes qui vont se retrouver à la gauche, mais qui n'auront pas forcément l'idée de... Ils ne seront pas tout à fait d'accord de toutes les idées qu'il y a dans la gauche, en fait. Donc c'est pour ça que dans le groupe, il y aura toujours une division. Et voilà. Après, je ne trouve pas les mots. C'est pas facile de trouver les mots. Oui, Didier. Alors après, voilà, faites-moi signe, je prends les derniers tours de parole et puis ensuite on conclut sur l'atelier passionnant d'aujourd'hui. Oui, je voulais revenir à ce qui vient d'être dit, c'est à propos de l'école qui exige toujours de se dépasser. Je crois que c'est un système pour nous, enfin parce qu'en théorie tout le monde passe à l'école, pour nous priver d'une identité. C'est-à-dire si aussi ce qu'on disait avant avec la bourgeoisie ou les politiques qui ont une identité bien définie, donc qui ont des pouvoirs, on va dire, et les autres, ça peut être le tiers-État, c'est nous, on n'a pas d'identité parce qu'on n'en a pas besoin de toute façon, parce qu'on est, on est là que pour... Oui, parce qu'on est beau intelligent, mais bon, si c'était vrai, ça se saurait. Enfin, à part moi, bien sûr. Non, je crois que c'est... Mais en fait, ça m'a fait penser que c'est... On n'en a pas parlé, c'est dommage, mais l'identité et la propriété, ça va ensemble. Ça devrait aller ensemble. C'est... Comment dire, avoir un nom, ça veut dire posséder quelque chose. Et posséder quelque chose, ça veut dire avoir un nom. C'est aussi important l'un que l'autre. Et l'identité dans le monde d'aujourd'hui, c'est... Comment dire, si... Attends, il y a une expression, comment c'est dit? Ah oui, renégociation identitaire de masse. Voilà, je vais m'arrêter là, sinon ça va aller mal. À tes souhaits. bon, bah, du coup, on va peut-être s'arrêter si personne d'autre ne souhaite prendre la parole. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir participé. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas trop Debout Éducation Populaire, on est là depuis plus d'un an maintenant, parce que depuis le mois d'avril l'année dernière. Actuellement, on est là donc le samedi et le dimanche. Le samedi, c'est le format un petit peu plus classique des interventions. Donc, on a un intervenant, une intervenante qui vient nous parler d'un thème, en sachant que c'est ouvert à tout le monde, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé de venir d'une université pour venir nous parler d'un concept. Hein. Ça peut être un voyage que vous avez fait qui vous a apporté quelque chose que vous avez envie de transmettre. Ça peut être une passion, ça peut être une réflexion que vous avez eue vous-même, ça peut être, je sais pas, enfin, vous faites du jardinage et vous vous rendez compte qu'il y a ce rapport-là à la Terre et vous vous intéressez sur ce qui se passe aussi ailleurs. Voilà, n'importe quel... ça, on peut en parler en forme de savoir, mais ça peut aussi être des expériences, ça peut aussi être du ressenti. Si vous avez envie de venir l'échanger avec nous, c'est un petit peu l'idée du samedi où justement, voilà, n'importe qui peut venir nous proposer une intervention, donc soit ici sur place, soit sur notre site educpop.debout.org. Donc voilà, il y a toutes les interventions comme celle d'aujourd'hui qui sont enregistrées, qui sont disponibles aussi sur le site. Donc on commence à en avoir plus de 300 maintenant depuis le temps qu'on est sur cette place, on s'amuse bien. Donc l'autre truc, donc on sera là aussi samedi de la semaine prochaine. Et là, pour vous dire l'atelier qui a eu lieu aujourd'hui et qu'on a mis en place de façon hebdomadaire depuis août l'année dernière, on en avait un petit peu marre en fait d'entendre on est contre ça, contre ça, contre ça. Donc on s'est dit on va mettre en place un atelier toutes les semaines qui est quelle société veut-on ? Et donc de août l'année dernière à il y a un mois, on a commencé à constituer en fait des propositions très concrètes sur le monde dans lequel on voudrait vivre. Donc voilà, il y a du coup une trentaine d'enregistrements et puis des comptes rendus qui vont avec. Et là on arrive à la deuxième étape de l'atelier. Ce qu'on a expérimenté, enfin c'est la première fois qu'on a fait aujourd'hui la deuxième étape, c'est qu'on reprend toutes ces propositions. Aujourd'hui on a repris les propositions sur les droits et on dit pour arriver à ça, à cet aspect du droit dans la société idéale, comment est-ce qu'on fait à partir d'aujourd'hui pour y arriver ? Donc voilà, c'est ce qui a enclenché le débat d'aujourd'hui. Et je pense que la semaine prochaine, enfin dimanche prochain, on va continuer sur cette question de droit, parce que du coup, on n'a fait que la première proposition. Et voilà, et ensuite, on continuera sur le reste. Donc maintenant, va y avoir un petit moment logistique pour mettre en place le concert qui suit. Je ne sais pas si je peux appeler ça concert, j'ai le droit ? Ouais, et ben voilà. Donc on met ça en place et puis j'arrête de parler. Merci beaucoup.